إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ فخرنا الله عز وجل. On va aujourd'hui, inshallah, faire un cours qui a pour titre Recueil précieux de mise en garde contre des propos fallacieux et pernicieux, et qui est en fait une mise en garde contre certains individus à leur tête, Rachid Abu Hadifa, connu pour être l'imam de Brest, et Nadir Abu Anas. Alors, je vais vous expliquer d'abord comment va se passer ce cours. Eh bien, c'est que, Inch'Allah, c'est un cours donc, qui va être enregistré en audio, et ensuite qui va être une vidéo, Inch'Allah, mais qui va de pair avec un écrit que j'ai fait en 61 pages. Et donc les deux vont de pair. Et donc il est impératif pour que les gens qui veulent bien comprendre et qui veulent avoir toutes les preuves et toutes les références, qu'ils se réfèrent au support audio et au support écrit. C'est pour ça d'ailleurs que dans le support écrit que vous retrouvez en PDF sur le Centre Al-Furqan et les sites Sunna Publication, et d'autres, en attendant que notre site SPF Birmingham soit de nouveau en état de route, en état de fonctionnement, j'ai écrit « Cet écrit va de pair avec l'audio de cette réfutation enregistrée, car de nombreuses références sont citées et ne peuvent être consultées qu'à l'écrit. » C'est-à-dire que vous avez chaque fois des liens internet, des liens de vidéos, hein, où vous voyez Rachid Abu Hadifa, Nadir Abu Anas avec des gens d'Ahl Bida Al-Ahwa, etc. D'accord ? Ou bien des liens où on peut entendre les paroles des savants sur ces gens de l'innovation avec lesquels ils sont assis, d'accord ? Donc il est vraiment important, d'ordre méthodologique ici, c'est important si vous voulez bien comprendre, hein, et parce qu'on vous parle avec preuve, parce que Rachid Abu Hadifa, il a dit « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَهَذِي الْبَرَاهِينَ » Hein ? Il a dit « Apportez vos preuves si vous êtes certes véridiques », il a cité un verset du Coran. Eh bien, nous, on apporte des preuves parce que, Inch'Allah, on essaie d'être parmi les véridiques. Donc, celui qui veut les preuves, eh bien, qu'il respecte cette méthodologie-là, et que donc il s'attache à écouter ce cours maintenant, hein, que je vais faire de manière orale, et ensuite qu'il s'attache aussi à quoi ? À revenir à l'écrit, Inch'Allah, pour avoir un bénéfice complet. Et aussi, Inch'Allah, la version vidéo, où peut-être qu'on pourra rajouter certaines choses, Inch'Allah ta'ala. Eh bien, il y a plus d'un an, j'avais écrit une série de réfutations sous les titres Réfutation de l'ambiguïté concertant sur le fait de se revendiquer salafi et mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la mise en garde contre des prétentieux. Et ces réfutations sont d'ailleurs disponibles sur notre site spfbirmingham.com. Vous voyez déjà, il y a une première référence ici. Il y a plus d'une cinquantaine de références dans ce hadith. Hein? Donc vous voyez l'importance de revenir à quoi ? À l'écrit, Inch'Allah. Où je m'étais attaché à montrer le caractère fallacieux. En français, ça veut dire trompeur. Et trompeur des propos d'un prêcheur spécifique. J'ai mis en note de bas de page, c'est les deux nommés Rachid Abu Hadifa, l'imam de Brest. Même si je n'avais pas cité son nom à l'époque. C'est-à-dire que toutes les réfutations que j'ai faites il y a plus d'un an, je les ai faites de manière, hein, d'une manière qui n'est pas nominative. J'ai toujours titré mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la mise en garde contre des prétentieux. Et j'ai jamais cité son nom. D'accord ? Cette démonstration du caractère fallacieux de ces propos a été faite en retournant aux sources des paroles à laquelle la dite personne, c'est-à-dire Rachid Abu Hanifa, faisait référence en montrant les erreurs d'ordre méthodologique, et ce en retournant aux sources des paroles des savants en arabe. Et en prouvant qu'elles étaient non seulement mal traduites de la langue arabe vers la langue française, et là il y a une note de bas de page, voire plus loin la retraduction de la vidéo du mufti, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh Hafidahullah Ta'ala, que Rachid Abu Hudayfa a mis dans cette vidéo sous le titre « Mise en garde contre des prétentieux ». Et puis j'ai mis une référence, vous pouvez voir le lien. D'accord ? Où Rachid Abu Hudayfa, il fait une soi-disant mise en garde contre des prétentieux. Et dans le cadre de cette mise en garde, il y a quoi ? Il y a une vidéo hein, de Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh Hafidahullah Ta'ala qu'il utilise pour le fait de quoi ? De mettre des ambiguïtés sur le fait de se revendiquer salafi. Alors qu'est-ce que nous on a fait ? On a retraduit, parce qu'elle est mal traduite cette vidéo. Hein, par exemple, des fois, on pose la question, et cherche sur les gens qui disent « Moi, je suis le salafi » et que les autres ne sont pas des salafis. Et ça a été traduit par quoi ?« Moi, je suis salafi ». Alors que la question, c'était « Ana huwa salafi hein, » et d'autres choses de ce style-là. Donc, on a retraduit le tout, d'accord ? Et c'est ce que je vais rapporter maintenant. Donc, j'ai dit « Et en prouvant qu'elles étaient non seulement mal traduites de la langue arabe vers la langue française », mais de plus qu'elles étaient sorties de leur contexte. Et ça, c'est quelque chose que Rachid Abu Hudayfa fait de manière récurrente. Dans sa dernière vidéo, il a sorti ma parole de son contexte qui est un dars dans le menhaj, comme je vais le prouver, Inch'Allah, hein, en faisant une coupure de l'audio. Comme la parole de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qu'il a citée, est sortie de son contexte. Et ainsi de suite. Et ça, un talib ilm, il doit apprendre ce qu'on appelle siyaq al-kalam. C'est-à-dire le contexte dans lequel la parole est citée. D'où l'importance de revenir aux sources, comme ils disent les mashayikhs. Mais de plus qu'elles étaient sorties de leur contexte et utilisées de sorte à faire la preuve du sens contraire, voulu et exprimé par le savant lui-même. Et ce simplement, comme je l'ai déjà dit, en retraduisant ces paroles et en citant d'autres paroles de ces savants même, et leurs sources sur le même sujet, qui renforcent le sens correct et anéantissent la prétention de celui qui a émis ses propos fallacieux. Je m'étais donc limité à cela à l'époque, car cela est suffisant pour toute personne qui cherche la vérité. Et fait la comparaison entre les paroles des savants dans leurs sources, encore faut-il en être capable, et leur contexte avec une traduction fidèle et le sens fallacieux et pernicieux voulu par certains. En l'occurrence ici, Rachid Abu Hudayfa. Lors du mois d'août 2012, j'ai eu l'honneur d'être invité par nos frères Salafi de Sunna Publication, qu'Allah les préserve, pour donner une série de cours via leur radio sous le titre « Ils sont la peste des cœurs »« Innahum ta'oun al-quloub » qui sont à la base un sermon du vendredi du noble cheikh égyptien, cheikh Mohamed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Et par rapport à ce cours-là, ils sont la peste des cœurs, j'ai mis notre bas de page qui est cours disponible en 3 parties, en format audio et également en PDF. Donc vous pouvez y revenir pour vérifier ce que je dis. D'accord ? Et de toute façon, ce sera, j'ai fait des copier-coller, de toute façon, dans cette version écrite. Du recueil précieux. D'accord ? Hein, vous savez, c'est technique, mais c'est comme ça que doit être un talib l'ilm. Et c'est comme ça qu'on doit décortiquer, parce que lui, il se revendique de décortiquer chaque fois ce qu'on dit, et il promet de que chaque fois qu'on met un regard sur lui, qu'il va décortiquer. Alors qu'en fait, il falsifie. Ce qui est aisément prouvable. Lors d'un des cours de « Ils sont la peste des cœurs », après avoir rapporté certains des fondements des gens de la Sunna du consensus. Parmi ces fondements que j'ai rapportés d'ailleurs, à titre d'exemple, note de bas de page, encore une fois, la parole d'Ibn Zaymanin, rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre très important qui s'appelle Usul Sunna, l'Ibn Abi Zaymanin, et que nos mashayikhs comme Cheikh Abdel Bukhari et d'autres ont expliqué. Ibn Abi Zaymanin, rahimahullah, il a dit, donc je rapporte un des fondements que j'ai rapporté ce jour-là pour voir le contexte. Et les gens de la Sunna ne cessent de critiquer les gens des passions égarantes et interdisent de s'asseoir en leur compagnie et mettent en garde contre leur épreuve et informent de leur divergence. et ne voient pas cela comme étant une médisance envers eux, envers eux. Fondement auquel d'ailleurs a dérogé Rachid Abu Hanifa. En maintes occasions, notamment lorsqu'il s'est assis en compagnie et a traduit pour et a fait l'éloge à titre d'exemple de Mohamed Al-Arifi. Voir plus loin les paroles des savants sur cet individu, et j'ai mis les références dans cet écrit, c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à l'écrit. Vous voyez Rachid Abu Hudayfa en compagnie de Mohamed Al-Arifi, et on va voir le danger de cette personne-là, et que cette personne-là a des paroles même de mécréance, hein, et des explications fausses du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir que Rachid Abu Hudayfa, il s'assied avec lui, il dit « Cheikh Hafidahullah » et il traduit pour lui, etc. Donc cette mise en garde, elle est justifiée parce que Rachid Abu Hudayfa, il transgresse certains fondements parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus. Donc ce n'est pas une affaire personnelle. Loin de là. Je répète cette phrase. Lors d'un des cours, après avoir rapporté certains des fondements des gens de la sunna du consensus sur la manière d'être et de se comporter envers les gens de l'innovation religieuse, j'ai fait référence au fait que les pieux prédécesseurs n'avaient pas été trompés par la dévotion. Maintenant, qu'est-ce que je rapporte là ici? C'est le siyak al-kalam dans lequel j'ai dit la parole quand j'ai parlé de Rachid Abu Hudayfa utilisant un langage de jeunes et ayant un certain style, hein, que les jeunes aiment bien, et qui, sur le bateau, etc., etc. Donc vous comprenez bien. Parce que ce n'est pas ça la raison de ma mise en garde. Mais c'est une mise en garde sur le manhaj. D'ailleurs, lui-même, quand il a mis mon audio, la partie de l'audio, il a pas pu couper une partie que j'ai dit où j'ai dit « C'est le manhaj qu'on regarde, c'est le manhaj qu'on regarde. » Mais par contre, il n'a pas relevé ce point-là. Même si tout le reste de l'audio qu'il a coupé est sur le manhaj. Encore une fois, « Siyak al-kalam ». Et qu'est-ce que j'étais en train de dire et qu'est-ce que j'étais en train d'essayer d'établir? Et parmi les signes des gens de l'innovation, c'est « Batr al-kalam ». Ils coupent les paroles de leur contexte. Parce que la masse des gens n'a pas ce réflexe de voir les paroles dans leur contexte. Et donc j'ai dit que les pieux prédécesseurs, c'est donc ça le contexte de ma parole, n'avaient pas été trompés par la dévotion et l'adoration des gens de l'innovation religieuse comme à titre d'exemple les Khawarij. Et que donc, à l'exemple de nos pieux prédécesseurs, il ne fallait pas que nous soyons trompés par la dévotion apparente et l'adoration des gens de l'innovation contemporaine. Vous voyez maintenant le contexte, et on va rapporter toute la parole, Inch'Allah. Et qu'encore moins nous devions être trompés comme le sont aujourd'hui certains de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas appris les fondements des gens de la sunna du consensus par le style et le langage jeune et les supports médias tels Twitter et Facebook, et les vidéos utilisées par certaines personnes qui sont actives dans le domaine de la prédication, mais qui transgressent les fondements des gens de la sunna et du consensus et leur méthodologie. Alors par rapport aussi au fait au mot fondement que j'ai utilisé, je voudrais attirer, j'attire ici l'attention sur l'une de leurs ambiguïtés qui consiste à dire, et on entend dire ça à Nader Abou Anas dans certains de ses dourous, notamment dans le Dars, hein? Dans certains de ses durus, notamment Rachid Abu Hudayfa, dans ses mises en garde contre des prétentieux, etc. Hein? Ou dans son bayan, soi-disant par rapport à ma mise en garde, etc. Eh bien, qui consiste à dire, tout le monde parmi nous a des erreurs. Qui est une parole vraie. Mais, utilisée à mauvais escient. Car ils essaient par cela de faire croire que toutes les erreurs sont au même niveau. Or, nous faisons référence aux erreurs quant au fondement des gens de la sunna et du consensus. Écoutez bien ce point-là, c'est un point très important. Et toute personne qui dérogerait à l'un des fondements, à l'un de ces fondements, ne pourrait être considérée comme faisant partie des leurs, des gens de la sunna et du consensus. Comme l'a énoncé l'imam Ahmed, rahimahullah. Dans son épître, au sol le sunna, les fondements de la sunna. Livre que j'enseigne d'ailleurs moi-même en français, avec l'explication de Cheikh Rabi al-Matrali, voir notre site spfbirmingham.com. Et d'ailleurs, pour les gens qui écoutent Rachid Abu Hudayfa, Nader Abou Anas, eh bien, il devrait apprendre les gens de la sunna comment ils donnent cours et les livres qu'ils enseignent afin de pouvoir savoir si Rachid Abu Hanifa, Nader Abu Anas, ils ont ces signes des gens de la sunna. Alors c'est qui a les signes des gens de la sunna? C'est qui enseigne le sunna de l'imam Ahmed? C'est nous ou bien c'est Rachid Abu Hanifa? C'est qui enseigne les livres de Manhaj? C'est nous ou bien c'est Rachid Abu Hanifa? C'est qui enseigne les livres des gens de la sunna comme Cheikh Rabi'i, Cheikh Oubaid, Cheikh Mohamed Nahadi, Cheikh Al-Fawzan et d'autres? C'est nous ou bien c'est Rachid Abu Hanifa et Nader Abu Anas? J'ai donc fait référence à certaines vidéos qui circulent sur le net où l'on voit les personnes concernées sur un bateau, notamment Rachid Abu Hanifa. Et j'ai mis en garde, attention ici, sur le fait d'être trompé par ses effets et cette manière de faire qui attire les jeunes. Et j'ai aussi fait référence à un moyen innové dans la religion de prêcher, et c'est la mise en scène théâtrale. Alors, ya ikhwa ou akhawat, juste ce point-là, ça nous suffit. Celui qui est doué de raison, qui est sincère, ce point-là, ça lui suffit pour s'écarter de ces gens-là. Pourquoi? Ici, sur la mise en scène théâtrale, j'ai mis 4 notes de bas de page. 7, 8, 9 et 10. Écoutez-les. Voir, numéro 7, voir la mise en théâtrale dans une mosquée de Rachid Abu Hanifa et Nader Abu Anas, et un troisième intervenant sous le titre « Moi, alhamdoulilah, ça va ». C'est une vidéo qu'ils ont faite dans une mosquée, qui a pour titre comment ?« Moi, alhamdoulilah, ça va », qui est une mise en scène théâtrale dans une mosquée, où ils font quoi? Ils font comme si le jeune, qui est le troisième intervenant, était un jeune qui était garé, hein, et qui rapporte des choses erronées, et qu'après, Nader Abu Anas lui fait la discussion, et après, Rachid Abu Hanifa lui fait l'ansiha. Donc, il joue un rôle, on est d'accord. J'ai mis une référence, vous pouvez voir la vidéo vous-même. Inch'Allah. Écoutez bien, dans cette vidéo, il y a des paroles très graves sur l'islam. Et la pratique sont dites, donc, ou des paroles très graves sur l'islam et la pratique sont dites sous prétexte de jouer le rôle d'un jeune qui a besoin d'être exhorté, d'être conseillé. Note de bas de page numéro 8. Voir la réfutation en français, parce que certains de nos frères ont fait une réfutation par rapport à ça, et j'ai mis une référence. Note bas de page numéro 9. Voir les paroles des savants, des gens de la sunna du consensus, sur les mises en scène théâtrales. Et ce qui est faussement appelé les anachides islamiques, d'ailleurs Rachid Abu Hanifa est très friand dans ses vidéos. Encore une fois, j'ai mis une référence. Et ça, ici le point 10, j'ai dit d'ailleurs Rachid Abu Hanifa. Et ça, c'est un point très très important. Parce que Rachid Abu Hanifa lui-même, il avoue contredire un ijma, une unanimité des savants. Alors vous savez que toute personne qui contredit un ijma, c'est quoi? C'est rejeté de lui. Ça, oulala. Écoutez bien. D'ailleurs, Rachid Abu Hanifa lui-même dit dans sa vidéo intitulée « Mise en garde contre des prétentieux » qu'il est interdit, parce qu'il se justifie en fait, il est interdit à l'unanimité des savants de faire une mise en théâtrale si l'islam y est dénigré. En disant que moi, dans cette vidéo-là, on n'a pas dénigré l'islam. Or, dans leur vidéo, moi, ça va, alhamdoulilah, l'islam et la sunna, ils sont dénigrés. Puis j'ai mis le lien. Et j'ai mis les minutes et les secondes où vous pouvez voir les paroles où l'islam et la sunna sont dénigrés. Minute 9, seconde 33. Il dit, l'intervenant, il dit, j'ai évolué, j'ai arrêté la prière. Donc il se fait passer pour un jeune qui dit « Oh, j'ai évolué, j'ai arrêté la prière. » C'est pas un dénigrement de la prière, ça. Hein? Et tout le monde rigole dans la mosquée, y compris Rachid Abu Hanifa et Nader Abu Anas. Et minute 12, hein? 00 secondes, où écoutez cette phrase, « Wal'adou billah, la religion, c'est un truc qui coupe le bonheur. » La vérité, le bonheur, il n'est pas dans ça. Est-ce que ça, c'est pas un dénigrement de l'islam? Est-ce que ça justifie? Est-ce que ça, c'est justifié par la da'wa? Hein? Ce qui implique qu'il reconnaît lui-même avoir transgressé un point de la religion, Rachid Abu Hanifa, sur lequel il y a unanimité des savants. Et puis j'ai encore mis un lien. Minute 20, où vous entendez sa parole quand il dit que c'est interdit de faire une mise en scène comme celle-là, où il y a un dénigrement d'islam. Et j'ai mis le lien et j'ai mis la minute 22, seconde 38. Hein? Vous voyez? Nous, on relève le défi, alhamdoulilah. J'ai à cet effet cité de manière spécifique le nom d'une personne qui est connue sous le nom de Rachid Abu Hadifa, l'imam de Brest. Vous avez remarqué que j'ai aucun problème à l'appeler l'imam de Brest, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire. Et ce, afin de mettre en garde contre lui. Et je fais référence ici, à en note de bas de page, à l'excellente mise en garde de notre frère Abdel Malik Al-Faransi, diplômé de la faculté du hadith de l'université de Médine et qui réside encore aujourd'hui en Arabie Saoudite et qui est proche de certains machaires, notamment Cheikh Mohamed Rabzal Hajiri, Hafidahullah Ta'ala, qui fait partie des élèves de Cheikh Ben Baz et Cheikh Suhaimi et d'autres. C'est un frère qui a étudié au moins 6 ans en Arabie Saoudite et qui vit encore depuis de nombreuses années en Arabie Saoudite et qui est connu pour être un talib ilm parmi les machaires. Et parmi les talibs, des gens de la sunna, des salafis. Il a fait un rad ilmi, une réfutation scientifique de ces gens-là. Et j'ai mis la référence si vous voulez regarder hein, cette vidéo-là. Donc j'ai dit, afin de mettre en garde contre lui, oui, mais pas en raison du fait qu'il monte à cheval, comme il essaie de faire croire, ou sur un bateau, mais en raison de sa méthodologie et de son ménage. Et c'est pour ça qu'il dit, regardez, c'est le ménage qu'il faut regarder, c'est le ménage qu'il faut regarder. Or, aujourd'hui, m'est parvenu, évidemment, j'ai commencé à écrire cette réfutation le jour où il a fait lui-même, le 5 septembre, où il a fait lui-même cette vidéo-là. On est le 7 aujourd'hui, 7 septembre 2012. Or, aujourd'hui, m'est parvenu une vidéo du précité Rachid Abu Hadifa qui me cite, nommément, il dit « Mehdi Abu Abdrahman ». Et fait référence de manière encore une fois fallacieuse, trompeuse, à ma mise en garde, sans relever la vraie raison de cette mise en garde, qui est son manhaj. Mais essayant de manière malhonnête et fallacieuse et pernicieuse de faire croire aux gens que ma mise en garde est basée sur son style et son langage. Vous noterez d'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir sa vidéo, qu'il n'a pas du tout fait référence au manhaj sur lequel je base ma réfutation. Et qui est d'ailleurs le contexte du cours au cours duquel j'ai cité son nom. Et fait cette mise en garde, mais c'est plutôt t'attacher à esquiver la question en faisant croire que je m'en prenais au fait qu'il était bien habillé. Note de bas de page, j'ai dit ici, je n'ai d'ailleurs aucun problème avec cela, et les gens qui me connaissent peuvent en témoigner. J'ai aucun problème avec quelqu'un qui s'habille bien. Hein? Et qu'il parlait un langage de jeune. Note de bas de page numéro 13. Je suis d'ailleurs moi-même linguiste de formation universitaire, hein, et je parle 4 langues, alhamdoulilah, je sais donc faire la différence entre un langage jeune et un langage vulgaire. Ce qui n'est apparemment pas le cas de tout le monde, parce qu'il essaie de faire croire quoi? Que j'ai dit qu'il a parlé un langage vulgaire. Or, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il a parlé un langage de jeune. Or, dans son esprit, hein, il était waham que quoi? Le langage jeune, c'est un langage vulgaire. Ce que j'ai pas du tout dit. Ce qui n'est pas du tout ce que j'ai dit, ce qui ne fait d'ailleurs que confirmer le bien fondé de mes mises en garde précédentes. Car fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation qu'ils tronquent les paroles à mauvais escient et les sortent de leur contexte. Aussi, je vais m'attacher avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais vous demander d'être patient, parce qu'on a la page 6, il y en a 61, à prouver le caractère fallacieux et trompeur de ces paroles quant à ma mise en garde contre lui dans le cadre du cours donné sur le manhaj. Reproduisant encore une fois les mises en garde contre ses propos fallacieux récents, puis ses propos fallacieux précédents. Ce qui, je l'espère, suffira à montrer le danger et la sournoiserie de cette personne. Numéro 1. Point numéro 1. Mise en garde contre des propos fallacieux au sujet de ma mise en garde nominative dans le cours « Ils sont la peste des cœurs ». Voici le contexte de ma mise en garde, ce qu'on appelle quoi ?« Siyaq al-kalam ». Retenez ces termes-là. « Siyaq al-kalam ». Le contexte dans lequel la parole est dite. Ni les pieux prédécesseurs. Donc là, on est dans quel cours? C'est comme si on faisait un pas en arrière et on retournait au jour où j'ai fait le cours de Charles Lannes et sur la paix et des cœurs. Et je dis, ni les pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qu'ils ont suivis de manière exemplaire n'étaient trompés par l'ascétisme. Et j'ai défini l'ascétisme parce que Cheikh Falah Ismaël, quand j'ai préparé ce cours, il m'a conseillé de définir l'ascétisme parce qu'il y a un ascétisme, un zuhd qui est mahmoud et un zuhd qui est madmoum. Un zuhd, il y a un ascétisme qui est blâmable et un zuhd, un ascétisme qui est quoi? Louable. Et zuhd, comme dit Cheikh Salah Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit dans son explication de Bulugh al-Maram, volume 6, page 209 à son sujet, c'est la modicité dans le désir de quelque chose. Cet ascétisme est demandé et apprécié, mais son sens n'est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé. Ce n'est que le délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l'au-delà, comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc il n'était pas trompé par l'ascétisme d'un homme, ni par la beauté de ses paroles, ni par sa connaissance des paroles des gens de science, ni par la quantité de rappels qu'il faisait aux gens, ni par quoi que ce soit d'autre, tant qu'il n'était pas sur la voie prophétique. Et la voie salafiyya. Il ne lui prêtait aucune considération et ne lui prêtait aucune attention, mais de plus, il lui tournait le dos et faisait fuir les gens de sa voie et mettait en garde contre le fait de suivre sa méthodologie. Et comment pourraient-ils être trompés alors qu'ils ont le discernement qui leur est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a informé les compagnons de la situation des Khawarij et de l'étendue de leur adoration et de leur ascétisme et qu'il a mis en évidence aux compagnons qu'ils déprécieraient leur prière en comparaison de la leur et leur jeûne en comparaison du leur. Et leur récitation en comparaison de la leur. Et de ne pas être trompés par leurs efforts. Et cela a donc été dit en guise de mise en garde, et cela a été dit afin de fuir les gens d'eux. Et cela n'a pas été rapporté en guise de compliment ou afin d'orienter les gens vers leur voie et leur méthodologie. Cela n'a été rapporté qu'afin de faire fuir les gens d'eux et de les critiquer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij comme ils le sont et a mis en évidence qu'ils étaient les pires des tués sur terre. Et attention qu'ils ne viennent pas essayer de dire que je dis qu'il fait partie des Khawarij. Même si certaines de ses références, comme Mahad Hassan, Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali le considèrent comme un Khawarij. Et que s'il les rencontrait, les tuerait comme le peuple de Had a été tué, et que le meilleur des gens assassinés sur terre est celui que les Kharijites ont tué. Et qu'ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Et qu'ils sont comme cela malgré leur abondante adoration, car ils sont enfoncés dans l'innovation religieuse. Leur adoration ne leur a donc été utile en rien, car Allah n'accepte de celui qui a une innovation religieuse, ni repentir, ni rançon. Par précision ici, j'avais dit que le terme Adl aurait pu traduire par acte obligatoire et sarf par acte surrogatoire, voir l'explication de Sunan Nasa'i de Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Ethiopie, volume 36, page 144. Allah, le Seigneur des mondes, n'accepte de celui qui possède une innovation religieuse ni repentir ni rançon, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation religieuse. D'ailleurs, je vais faire un point par rapport à ça pour pas que ce soit mal compris, Inch'Allah. Et Allah n'accepte pas de repentir de celui qui possède une innovation religieuse. Et j'avais rapporté dans le cours que Cheikh Jamal ibn Furah al-Harithi, parmi les élèves de Cheikh al-Fawzan, dit dans l'Amundur al-Manthur, qui est préfacé par Cheikh al-Fawzan et Cheikh Salih al-Sheikh, page 193-194, « Celui qui comprend que le repentir n'est pas du tout accepté de l'innovateur, cela est une compréhension incorrecte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovateur ne commet cette innovation que parce qu'il cherche à se rapprocher d'Allah par cela comme il le prétend. » Comment pourrait-il se repentir d'une action qu'il considère comme vertueuse? Contrairement à celui qui commet des péchés, qui, lorsqu'il commet une désobéissance ou une perversité, regrette ce qu'il a fait. Un autre cher Zayd ibn Hadi al-Madkhali, dit dans son livre « Al-Ajub al-Athariya » an al-Masail al-Manhajiya, page 213, « Le sens de cela est que celui qui est sur une innovation religieuse, en général, ne se repent pas, car il considère ce qu'il fait comme un acte d'adoration et une religion. » Alors encore une fois, c'est qui cite le Mashir Salafi? C'est nous ou bien c'est Rachid Abu Hadith Anadir Abu Anas? Vous connaissez la réponse. Se repentir est donc loin. Je reviens dans le cadre du cours de « Ils sont la peste des cœurs ». Le pauvre, il pense et même il croit. Ici, on parle de qui? Celui qui a une innovation religieuse de manière générale. Je ne parle pas de Rachid Abu Hadith ici. Me repentir d'un acte d'obéissance, me repentir de ce qui est convenable, il désapprouverait énormément ce que lui dit celui qui le conseille et resterait sur ce qu'il est sans changer jusqu'à ce qu'il revienne aux sources et nous demandant à Allah le salut et la sécurité. Ça, c'est la parole du Cheikh Islam. Les compagnons qu'Allah les agrée tous ont compris. On continue la parole du Cheikh Islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été trompés par la situation des Khawarij. Lorsqu'ils sont apparus, ils n'ont pas été trompés par leur discours. Mais de plus, ils ont cerné les zones d'ambiguïté dans leurs paroles. Lorsque donc les Khawarij ont proclamé leur slogan en disant Inil hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah, Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une parole de vérité par laquelle ils veulent quelque chose de faux. Et Rachid Abu Hanifa et Nader Abu Anas, ils disent souvent des choses qui sont des paroles de vérité, mais qu'est-ce qui est voulu par cela? C'est le fait de chercher quelque chose de faux. Comme cette phrase qu'ils ont dite, tout le monde a des erreurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit des gens par leurs caractéristiques et cela en font certes partie. Personne parmi les plus prédécesseurs, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence ne s'est laissé tromper ni par la situation d'un innovateur dans la religion ni par son discours. Et là on arrive peut-être à ce que je vais dire. Ali radiallahu anhu a dit ce qu'il a dit et les combattit et les tua les khawarij et Allah le fit vaincre contre eux. Personne parmi les compagnons ne fut trompé par la situation de ceux-là ni par la situation d'autres parmi les gens de l'innovation religieuse. Puis j'ai rapporté une histoire qui est en fait l'histoire pour laquelle le hadith de Jibril il était rapporté par Abdullah hein, ibn Omar radiallahu anhuma, qui est le premier hadith dans Sahih Muslim. Yahya ibn Ya'mar et Abdurrahman al-Himyari, ils vinrent voir Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, l'informèrent de la situation del Qadariya, les Qadarites, qui disait qu'il n'y a pas de prédestination, qu'Allah ne sait les choses qu'après qu'elles arrivent. Et d'autres paroles encore parmi les fausses paroles, et qu'ils manifestèrent cette chose, c'est-à-dire les Qadarites à Basra, al-Basra. Lorsqu'ils questionnèrent Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, ils dirent, il y a des gens qui sont apparus chez nous qui récitent le Coran. Et les compagnons déprécient leur récitation en comparaison de celle des Khawarij. Et les Qadarites récitent le Coran et cherchent la science. Et ils citèrent leurs caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques des Qadarites. Et malgré cela, ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination et qu'Allah ne sait les choses qu'après qu'elles arrivent. Ibn Omar, radiallahu anhuma, ne fut pas dupé par ses actes et cette quête de science et sa recherche et par leur éloquence, car ceux-là ont manifesté une innovation religieuse. Il dit donc, si tu rencontres ceux-là, fais-leur savoir que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Ça, c'est une leçon par Rachid Abu Hanifa quand il lui parle de Ben Laden et qu'il dit « j'ai pas bu le café avec lui ». Au lieu de s'innocenter d'Ibn Laden et de mettre en garde sur lui, comme les salafs ils sont innocentés, ils ont mis en garde contre les gens d'innovation. Le manège, c'est pas une histoire de cappuccino ou de macchiato, hein? C'est une mis'ala de osoul, de dawabit, de qawa'id, des fondements, des règles, tirées du corps et de la sunnah, de la compréhension des plus prédécesseurs. Je répète cette phrase ici. Et c'est, on revient ici à la parole de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, et par celui par lequel Abdullah ibn Omar jure, c'est-à-dire qu'il jure par Allah, si l'un d'entre eux venait à donner en homo l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, Allah n'accepterait pas cela de lui jusqu'à ce qu'il croit en la prédestination. Et c'est rapporté par Muslim, comme je l'ai dit, dans son authentique, et c'est le premier hadith dans son sahih. Leur adoration ne leur sert à rien. On revient à la parole de Cheikh al-Islam. Leurs efforts ne leur servent à rien. Et leur discours ne leur sert à rien, tant qu'ils sont sur l'innovation religieuse. Encore une fois, ici, je suis toujours dans le cadre de juste rapporter le contexte de ce que j'ai dit. Regardez comme c'est long. S'ils sont sur la droiture, et encore, mon cours, il fait 3 cours. Ça, c'est juste une partie du cours qui fait 3 cours. Dont certains font jusqu'à 1h30. Ils sont sur la droiture, peu leur suffirait, et il y aurait la bénédiction, car ils seraient sur la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Sharh Sunnah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la science n'est pas le nombre de narrations de livres. Le savant n'est que celui qui suit la science et les sunan, et ce même s'il a peu de science et de livres. Et celui qui transgresse le Coran et la Sunnah est quelqu'un parmi les gens de l'innovation, et ce même s'il a beaucoup de science et de livres. Ne sois pas surpris par qui que ce soit jusqu'à ce que tu les juges avec la norme. Et c'est ce que nous demandons à nos frères et sœurs et sœurs d'Allah Azzawajal, c'est qu'ils jugent et ils jugent Rachid Abu Hanifa, Nader Abu Anas, qui que ce soit, avec les normes du Coran et de la Sunna, avec la compréhension des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Et comme nous ne sommes pas détenteurs nous-mêmes de cela, eh bien on revient aux savants d'Al Sunna al-Jama'a, les savants salafis pour faire cela. Et c'est ce qu'on va faire dans tout ce cours, Inch'Allah. On va juste s'attacher à dire Rachid Abu Hanifa dit ou fait, Les ulama disent, par rapport à cela, ceci et cela. Nadir Abouanas dit et fait telle et telle chose. Et les ulama d'Al-Sunna al-Jama'a, ils disent telle et telle chose par rapport à cette chose-là. Dites ou faites par Nadir Abouanas ou Rachid Abou Hadifa. Rien d'autre. S'il est sur la droiture, alors tant mieux et quel plaisir. Mais encore une fois, ce n'est pas notre but de dénigrer comme il essaie de faire croire les gens. Si les gens sont sur la vérité, alhamdoulilah, on est les premiers à les aider, à les encourager. Regardez comment je cite Abdel Malik al-Faransi. Regardez comme je cite Suleiman Haïti. Regardez comme je cite Hassan Abou Asma. Regardez comme je cite Ammar de Médine. Regardez comme je cite encore certains autres frères, peut-être que j'ai oublié, parmi nos frères salafis qui sont connus pour le bien et répandre da'wat al-haq. On n'a aucun problème à les aider, à les assister, à faire doua pour eux, à appeler à leur cours, à faire leur éloge et à s'entraider avec eux. Et s'il n'est pas sur la droiture, alors donne-lui le dos, cher Aslan, il dit. Et ne te retourne pas vers lui, et ne t'arrête pas auprès de lui, ou sinon il t'égarera et te fera dévier du chemin de la droiture. Abu Ya'la a rapporté dans Tabaqat al-Hanabila que le voisin de Ali ibn Abi Khalid a consulté l'imam Ahmed lorsqu'il le mit en garde contre al-Harith al-Muhasibi. Regardez les salafs comme ils étaient, on va voir c'est qui est salafi maintenant. L'homme dit, oh Abu Abdillah, c'est-à-dire qui Abu Abdillah, l'imam Ahmed. Il rapporte le hadith avec calme et dévotion. Regardez toujours dans le contexte, j'ai dit de quoi? Pourquoi de ne pas être dupe et trompé par la dévotion et l'adoration de quelqu'un? Regardez, c'est ça que j'ai dit en fait ici. Et, etc. Il dit, Abu Abdillah fut furieux, rahimahullah, l'imam Ahmed. Il lui dit que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas. Il dit, ne sois pas trompé par l'abaissement de sa tête, car c'est un mauvais homme. Celui-là ne le connaît que celui qui le connaît bien. Ne lui parle pas, pas d'égard envers lui et aucun plaisir. Et il se mit à dire, celui-là, celui-là. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmed. Et après cela, maintenant on a fini quoi? La citation de ma parole dans Ils sont la peste des cœurs. Dans laquelle j'ai parlé de Rachid Abou Hadaïfa et de l'effet de style et de langage jeune, hein, du fait qu'ils utilisent des vidéos enregistrées sur des bateaux, etc. Donc vous voyez comment il a tronqué de manière intentionnelle, ou pas, ça c'est à lui de savoir. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Hein? Mais on connaît le caractère fallacieux et pernicieux de ses propos. Et c'est ce que je suis en train de prouver en 61 pages. Et après cela, j'ai parlé des fréquentations de Rachid Abou Hadaifa. De certains parmi les gens d'innovation que je connais personnellement pour être des Ikhwani. Alhamdoulilah, on a ici des frères qui sont de Belgique et qui peuvent confirmer. Et en référence à la secte Ikhwani des Égyptiennes, des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, que les savants tels que Cheikh Ben Baz et d'autres considèrent comme faisant partie des 72 groupes déviants, pardon, égarés. Est-ce que Rachid Abou Hadaifa est prêt à dire publiquement, dans une vidéo, parce qu'il est très friand de vidéos, que le groupe des frères musulmans fait partie des 72 groupes déviants et égarés comme Cheikh Ben Baz qu'il revendique suivre l'a fait? Et ça, c'était la note de bas de page numéro 19. Et le fait qu'il participe à des conférences avec eux et fasse leur éloge. Et sa parole sur Ben Laden selon laquelle il n'aurait pas bu le café avec lui. Note de page numéro 20, nous lui posons la question à lui qui revendique suivre les savants de la sunna. Qui parmi les savants de la sunna t'a précédé dans ses propos? C'est qui ton salaf? Et c'est une chose que les gens doivent apprendre à faire. Nos frères et nos sœurs, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, qui est ton salaf? Qui que tu sois, qui est ton salaf, qui t'a précédé là-dedans? Qui parmi les gens de la sunna, quand on leur a parlé d'un, parmi les gens de l'innovation, a dit, j'ai pas bu le café avec lui? On lui dit, qui est ton salaf? Nous avons cité les nôtres en ce qui concerne la mise en garde contre Ben Laden. Cheikh Rabi', Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Zayd. Et d'autres. On ne connaît aucun savant des gens de la sunna qui fasse l'éloge de Ben Laden. Et c'est connu dans les livres et les audios et les vidéos de Mashayikh. Donc j'ai dit, et je lui ai d'ailleurs rappelé la mise en garde de Cheikh Ben Baz contre Ben Laden, ça il n'en a pas parlé du tout. Et il a invité lui qui prétend suivre Cheikh Ben Baz à mettre en garde contre Ben Laden comme Cheikh Ben Baz l'a fait. Il s'est attardé sur aucun point de manhaj, il a parlé du bateau, des t-shirts, et de ceci et de cela. Or c'est pas ça la raison pour laquelle je mets en garde contre lui. Comment je pourrais mettre en garde contre lui, hein, concernant cela? C'est le manhaj sur lequel j'attire l'attention. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce qu'il faut regarder, c'est le manhaj. Ce qu'il faut regarder, c'est le manhaj. Or, il a totalement esquivé les points du manhaj. Note de page 21, voir la vidéo de ma mise en garde, mais sans le troncage de Rachid. Et puis j'ai mis la référence. Comme ça, vous pouvez comparer entre la vidéo que Rachid a mis, hein, quand il se justifie par rapport à moi, qui est de quelques petites minutes, hein, ou même de quelques secondes, et la version que le frère a fait de ma mise en garde sur internet, parce que c'est même pas moi qui l'ai fait de toute façon, parce que mon cours il était en audio, il était complet. C'est un frère Zlokhred, il a pris juste la partie sur Rachid Abou Hadaïfa et il a fait une vidéo mise en garde contre Rachid Abou Hadaïfa. Et Rachid Abou Hadaïfa, il a encore pris ce morceau-là, il a coupé tout ce qui se concerne sur le manhaj, sauf une petite parole qu'il n'a pas pu couper, et il a esquivé tous les points du manhaj. Qui est la raison pour laquelle, encore une fois, je m'en garde contre Rachid Abou Hadaïfa et Nader Abou Anas et d'autres qui sont avec eux. Comme sa collaboration, des points du manhaj, comme sa collaboration avec Ilyas Azawaj. Ilyas Azawaj, c'est quelqu'un de Belgique, il est sur des vidéos avec Hani Ramadan. Regardez la chaîne de transmission. Nous, on dit Cheikh Rabi', Cheikh Ben Hadi Matkhali, on dit Cheikh Abdelik Faransi, il a dit, il s'assoit avec Cheikh Baranz Al-Hajiri. Hein? Cheikh Hassan Abou Asma, il a dit, il a été ce qu'il a dit Cheikh Abdel Jabiri, de Cheikh Abdel Bukhari, de Cheikh Mohamed Ben Hadi Matkhali, de Cheikh Mohamed Ramzal Al-Hajiri. Rachid Abou Hadaïfa, il collabore avec Ilyas Azouaj, qui collabore et qui a des vidéos avec Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, qui fait l'éloge des chiites. Alors, qui est sur des vidéos avec Hani Ramadan, j'ai mis une référence, numéro 22. Qui fait l'éloge des chiites, Hani Ramadan, il fait l'éloge des chiites, j'ai mis une note de bas de page, numéro 23, voir la réfutation de notre frère Abdelik Al-Faransi. Jazallah khairan, qu'Allah récompense par le Firouz A'la. Il a fait une très belle réfutation sur ce point-là. Parce que tout sunni, il a la jalousie quand est, hein, en ce qui concerne Shia. Yadan Billah. Et je vous réfère au doctorat de Sheikh Falah Ismail Mundakar, hafidahullah ta'ala, que j'ai l'honneur moi-même d'imprimer pour le Sheikh. Alhamdulillah, via des gens qu'on connaît d'Égypte. Et qui fait 900 pages, et les frères arabophones ici, ils connaissent ce livre. Et que Cheikh Falah Ismail m'a donné l'autorisation de traduire. Vous allez voir le tawam des Shia. Ou'aïdou billah minhum. Hein? Iyadan billah minhum, ou min sharrihim, ou min dalalihim. Regardez la chaîne de transmission. Rachid Abou Hadaïfa s'assoit avec Ilyas Azouaj. Ilyas Azouaj qui s'assoit et fait des vidéos avec Hani Ramadan. Qui fait l'éloge des Shia? D'ailleurs, Rachid Abou Hadaïfa, dans une vidéo qui circule sur le net sous le titre « Prête-moi ton cœur », encore une fois, Ilyas Azawaj, Nader Abou Anas, écoutez bien ça, est assis sur le podium en leur compagnie et participe à cette conférence où Nader Abou Anas fait ouvertement l'éloge et même cite comme référence quatre personnes parmi les gens d'une innovation religieuse contre lesquelles les savants de la Sunna ont mis en garde et leurs noms sont, et puis je vais les citer, Inch'Allah. Mais par rapport au fait de faire l'éloge des gens d'innovation religieuse, note de bas de page numéro 24. La question suivante fut posée à Cheikh Ben Baz. Celui qui fait l'éloge des gens de l'innovation religieuse, est-il classé, rangé avec eux? Il répondit, oui. Il n'y a aucun doute que celui qui fait leur éloge et les complimente est quelqu'un qui appelle à eux. Il fait partie des gens qui appellent à eux et c'est à Allah que nous demandons la salut et la sécurité. Encore une fois, je cite les sources. قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Voir l'explication de Fadl Islam de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab par Cheikh Ben Baz. J'ai mis un lien. Voir aussi, et j'ai mis un autre lien, vous voyez Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali qui le dit aussi et qui rapporte la parole de Cheikh Ben Baz dans ce charhala et la parole de Cheikh Al-Athimin et la parole de Cheikh Al-Albani. Donc, Nader Abou Anas fait l'éloge de Mohamed Hassan. Que Cheikh Rabi' et les mashayikhs comme Cheikh Rabi' et Cheikh Mohamed Hadi al-Madkhali disent que c'est un moubtadi'. Donc, on range Nader Abou Anas avec qui? Et Rachid Abou Hadaïfa avec Mohamed Hassan et Mohamed Arifi et d'autres. C'est ça la règle, c'est comme ça que ça marche, les frères. Tu fais l'éloge de ces gens-là, c'est parce que tu les aimes. Et tu les cites même comme des références dans le cadre d'une question qui est posée par rapport aux gens qui sont perdus et ils ne savent plus d'où prendre la science. À qui tu les renvoies? Mohamed Hassan. C'est un Nadar Abouanaz qui parle. Mohamed Hassan. Et j'ai mis une référence, voir les paroles des savants sur Mohamed Hassan. Qui, pas longtemps, hein, a fait l'éloge de la révolution en Égypte. Est-ce que se révolter contre les gouvernements musulmans fait partie de Al-Sunna al-Jama'a? Non. Mohamed Arifi. Note de bas de page numéro 26. Voir les paroles des savants sur Mohamed Arifi. Et on va s'attacher plus en détail à Mohamed Arifi, parce qu'il a des paroles de mécréance, lui. Nabil Iwardi, numéro 27, ici, et j'ai mis une référence. Mohamed Saleh Al-Munajjid, numéro 28, notre bas de page numéro 28, j'ai mis une référence. Toujours les paroles de savants, pas la mienne. Si Rachid Abu Hanifa est un salafi, pourquoi c'était-il qu'on a Nader Abu Anas qui à côté de lui fait l'éloger ces gens-là? S'il n'était pas d'accord avec Nader Abu Anas, il l'aurait fait savoir. Et s'il n'est pas d'accord, il peut toujours mettre en garde sur ses soi-disant références. Et faire une vidéo comme il en est si friand. Qu'il le fasse en public sur vidéo comme il aime tant le faire. Es-tu prêt, Rachid, à revenir de ses erreurs que tu ne peux pas nier comme tu le prétends? Parce qu'il prétend qu'il est prêt à revenir des erreurs. Si on lui montre. Avec preuve et douceur. Et on va voir plus loin que je lui ai envoyé un email. Il fait référence de manière encore une fois fallacieuse à cet email. Mais dans l'écrit, j'ai fait un copier-coller de l'email avec la date, le texte. Et vous allez voir le style et les paroles que je lui ai adressées. Vous allez voir que c'est un style très doux. Et que je fais dua pour lui. Et que je l'appelle avec un cœur ouvert. Espérant que mon frère revienne à l'haq. Il y a plus d'un an. Es-tu prêt, Rachid, à revenir de ces erreurs que tu ne peux pas nier comme tu le prétends? Et à te repentir d'avoir accueilli et traduit pour Mohamed Al-Arifi? J'ai mis la référence où on voit Rachid Abu Hanifa en compagnie de qui? De Mohamed Al-Arifi. Qui a des paroles de mécréance, Mohamed Al-Arifi. J'ai mis une référence numéro 30 où vous voyez les paroles de mécréance. En se moquant du Coran, en récitant des paroles comme il réciterait le Coran, puis dit c'est la sourate de la pomme, sourate Tufah. Et les gens rigolent autour de lui. Et explique une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur les gouverneurs selon ses passions. Voir la réfutation de Sheikh Al-Fawzan par rapport à ce hadith sur les gouverneurs. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'explication de Mohamed Al-Arifi, qui dit une explication qui vient de lui-même et qu'on a peur pour lui. Et quand j'ai dit que c'est une parole de mécréance, Sheikh Al-Fawzan, il dit on a peur pour la personne qui a dit ça d'avoir un tad, d'être un apostat, wal'adhu billah. Regardez les références de Rachid Abu Hanifa et regardez nos références à nous, Cheikh Al-Fawzan. Il va peut-être dire « Oh, je ne savais pas ». Eh bien, maintenant, tu sais, Inch'Allah. À toi de désavouer cette personne-là en public sans rapporter des propos fallacieux et falsificateurs. Avec sincérité, en te désavouant complètement, sans faire le mouazanat, de rapporter soi-disant le bien de la personne contre la critique, de Mohamed Al-Arifi. Et donc, Mohamed Al-Arifi contre lequel les savants ont mis en garde. Donc ça, c'est la réfutation de Cheikh Al-Fawzan numéro 31, notre bas de page numéro 31. Deuxième partie de mon recueil précieux de mise en garde contre des propos fallacieux et pernicieux, ou mise en garde de Rachid Abu Hanifa et Nader Abu Anas, eh bien, c'est la mise en garde contre des propos fallacieux de Rachid Abu Hanifa sur une vidéo qu'il utilise du mufti, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, pour mettre des ambiguïtés sur le fait de se revendiquer salafi. Alors, note de bas de page numéro 32, j'ai écrit cette réfutation mise en garde il y a plus d'un an. Et je n'avais pas cité son nom. Contre des propos fallacieux de Rachid Abu Hanifa sur une vidéo. Note de bas de page numéro 33, tiré de la mise en garde contre des prétentieux, je mets encore une fois la référence. Il utilise une vidéo du mufti de Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh pour mettre des ambiguïtés sur le fait de se revendiquer salafi. Alors voici ma réfutation. Ceci est une réponse à l'ambiguïté rapportée et propagée sur le net au moyen de vidéos et ailleurs par certains ennemis de la da'wa salafia concernant une parole de son excellence, l'éminent savant salafi et mufti du royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, qu'Allah le préserve. Et alhamdoulilah, on a eu l'honneur d'organiser une vidéo-conférence avec Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, vous étiez là les frères, hein, à l'université de Coventry, vous vous souvenez, hein? Pour les frères qui sont devant moi ici, hein, vous étiez là, alhamdoulilah, Et on a, alhamdoulillah, on a eu un dars avec lui en direct. Hein? Et c'est qui donc lié à Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh? C'est nous ou c'est Rachid Abu Hudayfa? Hein? Et j'ai même le numéro de chez lui à la maison, alhamdoulillah, de Mufti Abdelaziz Al-Cheikh, si on voulait poser des questions, alhamdoulillah, alhamdoulillah. Qui sont le E serait une preuve sur l'interdiction de se revendiquer salafi. Voici donc la traduction, ma propre traduction, car celle en sous-titre de la vidéo laisse à désirer en raison de son caractère fallacieux et pernicieux, de cette vidéo postée sur le net comprenant la question posée au Cheikh, ainsi que sa réponse suivie de la réfutation de cette ambiguïté par un groupe de savants de la Sunna, dont Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh lui-même, hafidahullahu ta'ala. Question posée à Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh dans la vidéo. Est-ce qu'une personne a le droit, noble cher, de prétendre que lui est LE salafi? Or, ils ont traduit dans la vidéo par « lui est salafi ».« Huwa salafi », c'est une grande différence en langue arabe. Écoutez derrière la suite, et que l'autre, que lui ne l'est pas. Mais les gens qui ne connaissent pas la langue arabe, ou qui ne font pas attention, ou qui ne connaissent pas les ruses et les sournoiseries d'Al-Bida'a al-Ahwa, ou qui ne reviennent pas au contexte, ou qui ne connaissent pas le cheikh, ils se font avoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens que vous ne connaissez pas, et encore moins les gens d'innovation religieuse. Réponse de Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh. Oh mes frères, la traduction du sens de la parole d'Allah dit, ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux celui, ceux qui le craignent. L'individu ne doit pas être considéré en fonction de sa prétention et de son affiliation, mais plutôt les choses doivent être considérées en fonction de leur réalité. On connaît la réalité de Rachid Abu Hanifa quand il est avec Mohamed Arifi et quand Nader Abu Anas fait l'éloge de Mohamed Hassan. Mohamed Arifi, il est avec lui de toute façon. Mohamed Hassan et Nabil Iwadi et Mohamed Salih Al-Mulajid. Et la foi n'est pas par la parure et les souhaits, mais la foi est ce qui est ancré dans le cœur et rendu véridique par les actes. Écoutez bien la parole du Cheikh ici, la vraie salafia. Donc moi j'ai mis une note ici, on voit donc bien que le Cheikh lui-même fait la distinction entre la prétention et le vrai suivi. Il dit la vraie salafia. Comment pourrait-il mettre en garde sur la salafia ou interdire s'appeler salafia alors que lui-même dit la vraie salafia? Ce sont ceux qui suivent les livres d'Allah. Allahu Akbar. Et la sunna du messager, de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sont sur ce quoi étaient les plus prédécesseurs de cette communauté, les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Le musulman s'accrochant à sa religion ne doit pas se donner d'autre nom que l'islam. Car les musulmans, au fait qu'ils disent je suis le salafi, ou je suis le salafi mtawil, ou le salafi comme ceci, ou comme cela, et moi. Donc vous voyez bien qu'il fait référence à dire que moi je suis salafi, les autres ils ne le sont pas. Est-ce que c'est ça qu'on dit nous? Non, on dit je suis salafi, c'est tout. Est-ce que c'est ça que Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh dit je suis salafi, tu peux pas dire je suis salafi? Non, il parle de celui qui dit je suis le, moi, c'est moi le salafi. Tout ceci dit Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh sont des surnoms dans lesquels il y a un éloge de sa propre personne et de la présomption, et ceci ne convient pas. Attention, une note ici de ma part, c'est en cela que réside l'ambiguïté des ennemis de la salafia. Car les savants, quand ils ont ce genre de paroles, ils parlent de se faire l'éloge de soi-même, tezkiya. Ce qui ne convient pas de faire, tandis qu'ils sont tous d'accord sur l'authenticité de se revendiquer salafi en termes d'affiliation. On va rapporter plus loin la parole de Cheikh Al-Islam Boutimia qui rapporte l'ijma', l'unanimité des savants là-dessus. Et Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh lui-même, comme je vais le prouver dans un instant, Inch'Allah, sur son site officiel, il dit et il parle sur le fait de s'affilier salafi pour se distinguer des gens d'innovation religieuse. Est-ce que Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh Hacha, il va se contredire? Ou c'est Rachid Abu Hanifa qui, de manière fallacieuse, tronque et change le sens des paroles d'Abdelaziz Al-Cheikh? Donc, en termes d'affiliation, de suivi de la sunna et de la voix des compagnons, et en termes de distinction par rapport aux gens de l'innovation, comme va le dire le Cheikh lui-même dans une fatwa tirée de son site officiel, qu'on va s'attacher à traduire un peu plus loin, Inch'Allah. Ce qu'il faut, c'est que nos actions parlent de notre affiliation, que nos actions soient des indices sur notre réalité. Quant aux prétentions, un tel et un tel ont fait mon éloge, etc., cela ne suffit en rien. Ne te suffiront que tes actions vertueuses et ta vraie orientation. Et ta voie droite. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers que vous écartent de ma voie. Et aussi le fait qu'il prétende que, écoutez bien ce que dit le shir ici, le mufti, celui qui n'est pas sur ma voie n'est pas un salafi. Vous voyez ce qu'il est en train de dire le shir ici? Ceci est une prétention qui requiert des preuves. C'est-à-dire toi tu dis, celui qui passe sur ma voie à moi, eh bien c'est pas un salafi, c'est pas ce que nous on dit. On dit celui qui passe sur la voie salafi est un salafi. Vous voyez la différence? Et bien c'est pour ça que le shir il dit, c'est une prétention qui retire des preuves. Si tu dis ça, amène des preuves. Et c'est ça qu'on est en train de faire nous. Car il se peut que celui qui est en contradiction avec leur voix soit meilleur qu'eux, ou égal à eux, ou ait plus de préséance qu'eux. Le fait qu'ils disent celui qui contredit notre chemin et notre voix n'est pas un salafi, écoutez bien cette parole du mufti, si cela est parce qu'il contredit la vérité, alors oui. Note de ma part, la parole du shir ici est très claire et implique que celui qui ne contredit pas la vérité est donc un salafi. Tandis que si c'est parce qu'il contredit leur voix, qu'ils se sont inventés pour eux-mêmes. Comment la voix salafie pourrait être inventée? Alors que ce n'est pas une vérité acceptée. Cher le mufti continue, Hafidhahullah, les prétentions et les affiliations ne prouvent rien. Nous voulons de nos frères, où qu'ils soient, que notre but et notre fin soient d'être sincères dans nos actions envers Allah et dans le conseil à la communauté et de faire ce qui la rend heureuse et la sauve des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement. Et que nous prenions garde au rassemblement en groupe et au sectarisme et aux distinctions que certains prétendent contre d'autres. Or, Rachid Abou Hanifa nous considère comme étant des égarés. Il le dit dans certaines de ses vidéos. Nous sommes une seule communauté musulmane, lequel vous a déjà nommé les musulmans. Tandis que le sectarisme est de dire celui-ci est un salafi ancien et celui-là est un salafi moderne. Vous voyez ce qu'il est en train de parler? Il parle de ce genre de classification-là, Cheikh Abdelazali Cheikh. Et celui-ci est un salafi qui s'accroche et celui-là un salafi qui ne s'accroche pas. Classer les gens de cette manière, il a dit Cheikh, de cette manière, en réalité n'apporte rien de bon. Question suivante posée au Cheikh dans la même vidéo. Ensuite, êtes-vous pour qu'on décrive des gens en particulier de manière spécifique? On t'en parlait en mal dans cette émission ou dans d'autres? Parce que c'est une émission qui fait à la télévision, Cheikh Abdelazali Cheikh, Al-Mufti Hafidhahullah Ta'ala. Réponse. Nous voulons dans cette émission que nos frères téléspectateurs et ceux que nous questionnent nous épargnent les individus. Ça ne veut pas dire que Cheikh, il interdit de parler des individus. Parce qu'il y a consensus des savants sur le fait que quand il faut parler de quelqu'un pour mettre en garde, eh bien cela est autorisé. Et des fois, ça même devient obligatoire. Le but n'est pas de critiquer un tel ou de faire l'éloge d'un tel. Le but, c'est le manhaj. La voie et le chemin. Tandis qu'un tel et un tel, il se peut qu'aujourd'hui, il soit dans l'erreur et que demain, il ait raison. Et aujourd'hui, qu'il ait raison et que demain, il soit dans l'erreur. Qu'Allah nous a fermé jusqu'à ce qu'on le rencontre, subhanahu wa ta'ala. L'être humain n'est qu'un être humain. Certains de nos plus prédécesseurs ont dit... Regardez cette règle que Cheikh Abdelazali Cheikh dit et qui contre Rachid Abou Hanifa Nader Abou Anas. Connais les hommes en fonction de la vérité et ne connais pas la vérité en fonction des hommes. Donc c'est ça qu'on va s'attacher à faire ici dans ce cours, Inch'Allah. Et à mon avis d'autres parce qu'on est à une heure de cours et on est à peine à la 17e page. Eh bien c'est ça. C'est qu'on vous montre la vérité dans la parole des savants et on vous dit, regardez maintenant Rachid Abou Hanifa Nader Abou Anas, comment elle transgresse cette vérité. Rien d'autre, rien de personnel. Ni de jalousie. Ni de vindicte personnelle. Ni de revanche personnelle. Juste une clarification de la vérité, c'est tout. Nous connaissons les hommes en fonction de la vérité et nous ne connaissons pas la vérité en fonction des hommes. Car la vérité reste tandis que les hommes viennent et puis s'en vont. Voici là maintenant, regardez comment je vais prouver que il change le sens de la parole de Cheikh Abdelazali Cheikh en la traduisant mal et en la rapportant dans un contexte qui est faux, en rapportant la fatwa du Cheikh sur le fait de se revendiquer salafi tiré du site officiel du mufti Cheikh Abdelazali Cheikh, qu'Allah le préserve. السؤال يسألني بعض المصلين من دول أخرى عن مذهبي فهل أقول أنا محمدي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أقول أنا سلفي أم ماذا أقول جزاكم الله خيرا؟ الجواب من المفتي حفظه الله تعالى: الواجب على كل مسلم أن ينتسب للإسلام، فالاسم الشرعي على عن الذي الذي ذكره الله في كتابه، حيث يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا سورة الحج. وقد صار السلف على الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ويعنون به اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، الجماعة العلمية والجماعة البدنية. فمتى انتسب المسلم بهذه النسبة مستحضرا هذا المعنى فإنه لا بأس به. وكذلك أيضا الانتساب إلى السلف، وباختصار كما قال الشيخ الألباني: سلفي أو الأثر أي أثري. فيقول الشيخ عبد العزيز الشيخ كوديس كلدي، فيقول: سلفي أو أثري، لا على سبيل تزكية النفس، وإنما ليتميز عن سائر أهل البدع، فهذا لا بأس به. Et comme Rachid Abou Haidaïfa se revendique de recevoir des emails de gens qui se plaignent qu'il y a trop de mise en garde, etc., cette traduction, c'est la première traduction que j'ai faite, et première réflexion que j'ai faite, et je l'ai faite parce qu'une sœur nous a contacté via nos familles pour dire qu'il y a des choubats qui se répandent, et c'est pour ça qu'on a réfuté. C'est pas quelque chose de personnel. والذي يجب التنبيه، toujours la parole du mufti، عليه أنه لا ينبغي أن تكون هذه النسبة سببا لأمور غير شرعية كالعصبية الجاهلية التي ليس لها مسند شرعي. فإن اسم المجاهرين والأنصار اسم شرعي وارد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة. ويقول سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، سورة التوبة، وغير ذلك من الأدلة. ومع هذا فإن هذه النسبة لما خرجت إلى أمور غير مشروعة كانت غير مرضية. فإنه لما تلاحى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الحديث انظر صحيح البخاري، المناقب، صحيح مسلم، البر والصل والآداب، سنن الترمذي، تفسير القرآن، ومسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فنفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمها دعوة الجاهلية. فالمهم هو تحقيق عبادة الله على بصيرة واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن حقق ذلك والتزم به لم يضره أن لا ينتسب لأحد، وإن كان انتسابه إلى أهل السنة والجماعة هو الأفضل اتباعا لآثار السلف وتميزا له عن أهل البدع. هذا قول المفتي على زعل الشيخ الذي يذكره رشد أبو حذيفة. J'ai mis le lien, évidemment, du site officiel de Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh. Traduction de la fatwa du Mufti, la question. Certains musulmans dans d'autres pays me questionnent quant à mon madhab. Dois-je dire que je suis un Mohammadi en guise d'affiliation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou dois-je dire je suis salafi? Ou que dois-je dire qu'Allah vous récompense en bien? La réponse du Mufti, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, hafidhahullah ta'ala. Ce qui est obligatoire à tout musulman, c'est de s'affilier à l'islam, car c'est le nom légiféré qu'Allah a cité dans son livre. Et pendant, avant que j'oublie, il faut savoir que la dernière khutbah d'Arafa, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, il a rapporté devant des millions de personnes que le madhhab al-haq, c'est la salafia. C'est disponible sur internet. Allahu Akbar. Donc je répète, ce qui est obligatoire à tout musulman, c'est de s'affilier à l'islam, car c'est le nom légiféré qu'Allah a cité dans son livre. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé les musulmans avant ce livre et dans ce livre. Sourate Al-Hajj, verset 78. Les pieux prédécesseurs se sont affiliés aux gens de la sunna et du consensus. Ahl sunna wal jama'a. Ils veulent dire par là le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'attachement à la communauté jama'a et la communauté en termes de science et en termes de corps. Donc, lorsque le musulman s'affilie de cette manière en gardant à l'esprit ce sens, alors il n'y a aucun mal à cela. Il en est de même quant à l'affiliation aux salaf, les plus prédécesseurs. Comme disait Cheikh Al-Albani en un mot, salafi, parce que le ya c'est ya nisbah, c'est le ya d'affiliation, salafi, ou athar, et donc de dire salafi, Cheikh Al-Azali Cheikh dit, ou athari, est-ce que c'est moi qui parle? Non, c'est le mufti, tiré de son site officiel. C'est qui rapporte des propos fallacieux? C'est Rachid Abu Hadifa. Donc il convient qu'on mette en garde et qu'on réfute. C'est un wajib shar'i. C'est une obligation religieuse en ce qui nous concerne. Non pas pour faire l'éloge de soi-même, le mufti dit, ça renforce ce que je disais, mais seulement afin de se distinguer de tous les gens d'innovation. C'est pour ça que les ulama rapportent cette appellation de salafi. Il n'y a aucun mal donc à cela. Pourquoi Rachid Abu Hadifa dit après qu'il y a du mal? Ou il essaie de tourner autour de cette appellation avec des choubouettes et des ambiguïtés? Il est obligatoire d'attirer l'attention sur le fait qu'il ne convient pas que cette affiliation soit la cause des choses non légiférées. Toujours le mufti qui parle. Comme le partisanisme de la jahiliya, qui n'a aucun fondement dans la législation islamique. Les noms de muhajiroun et de ansar sont des noms légiférés. On ne peut pas dénier ces noms-là, ils sont légiférés. Qui ont été cités dans les livres d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. La traduction de la parole d'Allah dit... les tout premiers croyants parmi les émigrés muhajiroun et les auxiliaires ansar et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement. Surat al-Tawba verset 100. Et Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile. Surat al-Tawba verset 117. Et d'autres encore parmi les preuves. Malgré cela, lorsque cette affiliation est entrée dans des choses non légiférées, elle n'a pas été agréée. Lorsque deux hommes se sont fait front à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que l'un d'eux a dit « Oh les émigrés !» et l'autre a dit « Oh les auxiliaires !» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti en colère et a dit « Par l'appel de la jahiliya, alors que je suis encore parmi vous ?» Rapporté par le Bukhari numéro 3518 et Muslim numéro 2584 et Tirmidhi numéro 3315 et Al-Musnad, c'est-à-dire de l'imam Ahmed rahimahullah, volume 3, page 393. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé et l'a appelé. Appel de la jahiliya. Ce qui est important, c'est de réaliser l'adoration d'Allah avec leur voyance. Sur le mufti qui parle. Et le suivi de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il réalise cela et s'y tient, le fait qu'il ne s'affilie à personne ne lui nuira en rien. En sachant que l'affiliation aux gens de la sunna et du consensus, à Ahl-Sunna al-Jama'a, est le mieux en guise de suivi des traces des prédécesseurs salafi. Salaf, donc salafia, salafi, et en guise de distinction par rapport aux gens de l'innovation, al-bida' wal-ahwa. Source, et puis je mets la source du site du mufti. Je continue, ça c'est ma parole maintenant. En sachant que j'ai écrit cette mise en garde et cette réfutation il y a plus d'un an, et que j'ai envoyé un email en guise de conseil à Rachid Abu Hadifa via son site, comportant un message de ma part, et cette réfutation en fichier attaché. Or, il prétend qu'il reçoit des centaines d'emails par jour. Nous aussi, on reçoit beaucoup d'emails. Alhamdoulilah, le frère qui s'occupe du site, même s'il est parti vivre au Sénégal, il continue de là-bas de m'envoyer les emails. Et je continue à essayer de répondre. Pas parce que je suis un chir, mais parce que, on pose les questions à ma chir et on leur envoie la réponse. D'accord? Eh bien, autant qu'on le peut. Il dit qu'il reçoit des centaines d'emails par jour, faisant croire à tort ou à raison qu'il ne l'a pas vu, et déclare que s'il trouve une réfutation basée sur des preuves, qu'il n'a aucun problème à se repentir, eh bien voici donc cette même réfutation qui, je pense, lui parviendra, comme on lui a fait parvenir ma mise en garde, qu'il a essayé de détourner par ses propos fallacieux et pernicieux. Donc il y a des choses qui lui parviennent et d'autres choses qui ne lui parviennent pas, subhanallah l'adim. Est-il prêt, après un an d'ailleurs, est-il prêt à se repentir et à se reformer et à clarifier en public sans détourner, ni tronquer, ni falsifier nos paroles? Parce que là, on a fait l'annonce sur Twitter, sur tous les sites, l'annonce est faite. Hein? Et il y aura une vidéo qui sera faite. Et comme la première vidéo lui est parvenue, j'espère que cette vidéo qui est basée sur un texte de 61 pages, plein de références et de preuves, j'espère qu'il va avoir l'honnêteté de se repentir. Voici la teneur de mes propos. Alors j'ai fait, pour les frères qui voient ici, j'ai fait un copier-coller d'email, etc. D'accord? Voici la teneur de mes propos dans l'email que je lui ai adressé, lui qui prétend que si on fait le conseil avec douceur, il n'a pas de problème à l'accepter. Mes propos dans cet email ne sont-ils pas doux envers toi, Orachid? Plus d'un an, ya Ikhwa. Il faut savoir que j'ai fait salat istikhara. Avant chaque fois de réfuter quelqu'un, j'ai fait salat istikhara. Hein? Et je demande conseil à mes frères salafis avant de le faire. Voici une copie de l'email renvoyé à Rachid Abu Hadifa. Voyez from SPF Birmingham at hotmail.fr to alwasad 29 at hotmail.fr, qui est l'adresse officielle du site de Rachid Abu Hadifa. Subject, yani le sujet, vidéo de Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, qu'Allah le préserve. Date, Wednesday, c'est-à-dire le mercredi 17 août 2011, à 10h13:47. Et c'est l'heure anglaise. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite à votre vidéo sous le titre Réponse de l'imam Rachid Abu Hudayfa à deux prétentieux et éclaircissements sur la vidéo, moi, alhamdoulilah, ça va. Qui comporte à un moment une vidéo du mufti Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, qu'Allah le préserve, qui est présentée par l'imam Rachid Abu Hudayfa, waffaqahu Allah. Je fais dua pour lui. Et c'est le style qu'on a pris de nos mashayikh. I'lam arhamak Allah. I'lam arshadak Allah li ta'atihi. Au sujet de laquelle il dit, y a-t-il plus clair et net que la parole des kibar, des grands gens de science comme Ali Shir, Mufti d'Arabie Saoudite? Je voulais réagir par rapport à cette parole de l'imam Rachid Abu Hudayfa, waffaqahu Allah, lui qui a incité les gens à le conseiller s'il avait une erreur en disant que oui, en effet, la parole du noble Mufti est très claire pour celui qui comprend l'arabe et connaît en plus le Mufti, sa méthodologie. Et son travail, car la parole du mufti va à l'opposé du contexte dans lequel l'imam Rachid Abu Hadifa, waffaqahu Allah, a présenté cette parole. Quand je dis cela, je fais référence à la parole du cheikh lui-même en arabe, et pas à la traduction qui n'est pas précise. Elle ne reproduit pas la parole du cheikh en arabe. J'en ai fait la preuve dans le document attaché, et ce, de la manière suivante. Point 1. En retraduisant complètement la parole du cheikh. Point 2. En rapportant une parole du mufti lui-même tirée de son site officiel, qui prouve que sa parole dans la vidéo est à l'opposé de la manière dont on l'a présenté, et qui prouve l'authenticité de se revendiquer salafi, mais pas quand c'est pour se faire l'éloge de soi-même, ce qui est interdit comme cela est connu des paroles des autres savants également, et c'est cela le détail correct qu'ont fait les gens de science à ce sujet. Je suis toujours dans l'email, hein. J'espère que cet email de ma part, écoutez ça, est-ce que, Wallah, je vous demande par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est un style doux ou c'est un style agressif? J'espère que cet email de ma part trouvera un écho favorable. Wallah, ya ikhwa, Wallah, quand on parle de ça, on a les larmes aux yeux, ya ikhwa. Wallah, nusha lillah azza wa jal, on réfute les gens. Nusha lillah azza wa jal. Walidinihi, hein, wa? Vous connaissez le hadith? Addu nasiha, hein, liman? Qalou liman ya Rasulallah? Qalou? Lillahi wa? Li rasulihi wa? Li amati muslimun ammati. Nusha, c'est une obligation. On fait le conseil. Parce qu'on veut le bien pour notre frère. Naam, on veut le bien pour Rachid Abu Hadifa. Bien sûr qu'on veut le bien pour lui, subhanallah l'adhim. J'espère que cet email de ma part trouvera un écho favorable chez le frère Rachid Abu Hadifa. Et qu'il reviendra sur cette parole. Et le fera savoir par une vidéo sur son site. Afin que les gens qui ont regardé sa réponse ne gardent pas une compréhension erronée de la parole du mufti. Et que l'imam Rachid Abu Hadifa, waffaqahullah, s'acquitte de l'obligation de clarification qui incombe à tout prêcheur, qui est une amana, certes pas facile à porter, mais dont on se doit de s'acquitter si on veut que notre Seigneur soit satisfait de nous le jour du jugement dernier, et que si Rachid Abu Hadifa clarifie ce point, cela ne le diminuera pas, mais au contraire. Wa jazakumullahu khairan, Mehdi Abu Abdurrahman. Ikhwa, je vous demande de témoigner. Si c'est agressif, dites-le moi, je fais tawba en direct maintenant. Et quoi, c'est agressif? Wallahu al-musta'an. Note importante de ma part, c'est écrit de ma part en fichier attaché, a été écrit avant que je voie sa réponse d'ailleurs. par rapport à l'email de la sœur qui a envoyé via nos familles, hein, par rapport aux ambiguïtés qui étaient reproduites par rapport à cette vidéo-là. Donc j'avais réfuté cette mauvaise traduction avant même que Rachid Abou Hadaïfa ne l'utilise. Et je n'avais pas nommé Rachid Abou Hadaïfa à l'époque. Alors j'ai dit, n'est-ce pas là un conseil basé sur des preuves et une argumentation correcte et solide, empruntée d'un style doux et bienveillant envers la personne de manière à ce qu'elle soit incitée, encouragée à se repentir et à se réformer, à clarifier? Et c'est le style qu'on a appris de nos machaires comme Cheikh Rabi et d'autres. Et Cheikh Falah Ismail, hafidahullah, ou hafidahumullah jami'an, et Cheikh Ubaid et d'autres. Les gens doués de raison et sincères répondent à cette question par l'affirmative. Ne reste-t-il donc pas l'imam Rachid Abou Hadaïfa de prendre sur lui? Et vous voyez, je ne l'appelle pas voyou, je ne l'appelle pas par des mauvais noms, je l'appelle imam. Parce que c'est comme ça que les gens le connaissent, comme l'imam de Brest. J'ai dit, ne reste-t-il pas, donc pas l'imam Rachid Abou Hadaïfa de prendre sur lui et de faire le nécessaire obligatoire qui incombe à quelqu'un comme lui qui s'est engagé dans cette voie de prédication lourde de responsabilité et au sujet de laquelle il devra remettre des comptes comme nous tous. À Allah, le jour du jugement dernier, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. On la règle de penser à ça, nos kéri frémis, ya ikhwa wa akhawat. Alhamdulillah, min tawfiq Allah azza wa jal, c'est que dans notre site, on a une section qui s'appelle Errata. Errata, c'est en latin, le pluriel de erratum, qui est les corrections d'erreurs, d'impression ou de traduction ou autre. Et alhamdulillah, on a déjà fait plusieurs corrections, parce que des frères nous ont fait des fois remarquer que dans les audios, des fois, il y a une erreur de traduction, etc. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas infaillibles. Surtout dans le cadre d'un cours audio, mais là ici je parle d'erreurs de traduction, je ne parle pas d'erreurs dans le manhaj. Hein? Ou des erreurs par rapport aux références et des choses comme ça. Ou de la pagination, numéro un tel, ou le volume un tel, etc. C'est de ça que je parle moi ici. Troisième mise en garde tirée du recueil précieux des mises en garde contre des propos fallacieux et pernicieux. C'est la mise en garde contre des propos fallacieux. De l'imam Rachid Abou Hadaïfa, tiré de la mise en garde contre des prétentieux, écoute et accroche-toi. J'ai mis la référence en dessous. Référence numéro 34. Concernant les paroles de Cheikh Abdelaziz Ben Baz, pardon, qu'Allah lui fasse miséricorde. Vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. Soit parce que c'est pas un talib ilm, et il sait pas comment rapporter les paroles de Machaïr, soit parce qu'il est malhonnête, et le rapporte de manière à tromper les gens. Et c'est à lui de répondre à cette question. Wa ahlahuma mur. Hein? Et le plus sucré est amer des deux. C'est Machir qui. C'est une expression des Machir. Pour dire que tous les deux de façon sont mauvais. Hein? Mise en garde contre des propos fallacieux tirés, comme j'ai dit, hein? Et j'ai cité la source, etc. Force est de constater qu'encore une fois, des paroles d'illustres savants de la Sunna sont utilisés à mauvais escient afin de semer le doute chez le commun des gens qui cherchent à s'accrocher à la voix de nos pieux prédécesseurs, mais n'ont pas toujours les outils nécessaires pour comprendre ces paroles, comme la langue arabe par exemple. Quand je parle de paroles d'illustres savants utilisées à mauvais escient, j'entends par cela le fait de rapporter en français une parole d'un savant qui s'est exprimé en langue arabe, sans être fidèle au texte, que ce soit au niveau du texte lui-même, ou en le traduisant de manière lacunaire, parce qu'il traduit qu'une partie, et même cette partie-là, il traduit que des points de cette partie-là. Et en plus, il ne fait pas la différence entre sa parole et la parole de Cheikh Ben Baz. Ce que moi, je fais toujours dans mes traductions, par le fait de mettre en une autre couleur. Ou de le dire, je dis, cette parole, c'est le mufti, ça, c'est ma parole. C'est la parole, c'est Cheikh Ben Baz. Cette parole, c'est ma parole. C'est une amana ilmiya. Donc en le traduisant de manière lacunaire, ou que ce soit au niveau de son contenu, en la sortant de son contexte, et en lui donnant le sens qu'on le veut bien lui donner. Et je vais le prouver, Inch'Allah. Il est donc de notre devoir de clarifier cela, en rapportant la parole de ce noble savant de manière complète, et remise dans son contexte, en lui donnant également le sens voulu par le savant lui-même. Toujours la même méthodologie, vous voyez. Et ce, en accord avec sa méthodologie du cheikh, et ses autres paroles qui vont dans le même sens. Et c'est ce qu'on a appris de nos machaires. Et c'est de la manière suivante. 1. En retraduisant complètement la parole du shir en question, ainsi que la parole qui la précède, car elles sont toutes deux liées et ne peuvent être dissociées sans manquer d'être fidèles au texte. Parce qu'il rapporte une parole de Majmou' al-Fatawa Cheikh Ben Baz, volume 8, page 181. Moi, j'ai traduit quoi ? De page 179 à 183. Pour avoir tout le kalam de Cheikh Ben Baz. Et c'est ce qu'il aurait dû faire, au lieu de traduire quelques lignes. Parce qu'alhamdulillah, Cheikh Ben Baz, c'est notre cheikh, et c'est le cheikh de Cheikh Tanou Machaïr. Hein ? Et alhamdulillah, on a un majmou' al-fatawa, je l'ai dans ma maktaba ici à la maison. Alhamdulillah, c'est... on connaît le majmou' al-fatawa de Cheikh Ben Baz. Deux, en citant la source sur le net d'où vous pourrez télécharger l'original du texte en arabe directement du recueil des fatawas du cheikh, pour que vous puissiez vérifier vous-même. Trois, en traduisant les autres paroles du cheikh tirées d'autres sources où il interdit la formation de groupes et le sectarisme, ce qui mettra en évidence le caractère fallacieux de la narration de la parole du cheikh faite par l'auteur de la mise en garde contre des prétentieux. Quatre, en traduisant les paroles des autres savants de la sunna qui vont dans le même sens que la parole de l'éminent savant Cheikh Al-Aziz Ibn Baz, quand lui fasse miséricorde et le récompense par le Firdaus Al-A'la. 1. Voici donc la traduction complète de la parole de Cheikh Al-Aziz Ibn Baz, quand lui fasse miséricorde, tirée de son recueil de fatwa, page 179 à 183. Or, Rachid Abu Hadifa, je l'ai mis en bas de page numéro 35, ne cite que de manière lacunaire la page 181. Qui donc joue avec les paroles des savants de la sunna? Parce que c'est ce qu'il dit sur nous. Est-ce que c'est lui ou nous? A vous de témoigner, à vous de... vous connaissez la réponse. Volume 8, aux éditions Dar al-Mu'ayyid, compilé et classifié par Dr. Mohamed ibn Sa'd al-Shwayir. Remarque, toute parole en vers, pour les gens, et j'ai dit que c'est de manière complémentaire, vous devez absolument écouter l'audio, voir la vidéo qu'on va faire, Inch'Allah, et lire l'écrit. Afin que le bénéfice soit complet, parce que je sais toutes les références et il y a des liens vers lesquels vous pouvez retourner. Toute parole en vers est ma parole et non la parole du shir, afin que la distinction soit faite entre les deux. Alors encore une fois, c'est qui qu'elle amène à ilmiya? C'est nous ou bien c'est eux? Et j'ai dit d'ailleurs en note de bas de page 36, as-tu cette honnêteté et cette précision d'ordre méthodologique, Rachid Abu Hadifa? Question. Est-ce que les groupes au sujet desquels l'ordre a été donné de s'en écarter dans le hadith de Hudayfa, Hudayfa du Yémen, radiallahu anhu arda, sont les groupes islamiques? Question. Il y a des gens qui disent que les groupes au sujet desquels l'ordre a été donné de s'en écarter dans le hadith de Hudayfa sont les groupes islamiques, comme les salafis, les frères, les ikhwan, les tablirs. Que dit votre éminence à ce sujet? J'ai dit, numéro 37, voilà donc le vrai contexte de la parole de Cheikh Ben Baz. Réponse du Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hudayfa lorsque celui-ci lui dit: ô messager d'Allah, nous étions dans une jahiliya période pré-islamique. Et je vous recommande vivement l'explication du Cheikh Abel Jabiri de ce hadith-là, qui est excellente. Nous étions dans une jahiliya période pré-islamique et un mal. Allah nous donna donc ce bien, y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui. Hudayfa dit: y aura-t-il un bien après ce mal? Hudayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oui, et il y aura une fumée d'akhanoun. Je dis: Hudayfa, et quelle est sa fumée? Wa ma d'akhanou? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: des gens qui suivront une autre voie que la mienne et qui suivront une autre tradition que la mienne. Ils feront des choses que vous apprécierez et des choses que vous n'apprécierez pas. Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans ses annotations de l'authentique, dans ses annotations de l'authentique d'Al-Bukhari, volume 4, page 394, que j'ai ici dans ma mektaba d'ailleurs. Hein? Il a des annotations sur Sahih Al-Bukhari, rahmatullah alayh, wa rahmatullah alayhim jami'a. Il se peut qu'on fasse une pause pour qu'on recharge l'enregistreur. Je vous tiendrai au courant, Inch'Allah, pour que ce soit pas, que ma parole ne soit pas coupée, Inch'Allah. Je répète cette phrase. Ils feront des choses que vous apprécierez, des choses que vous n'apprécierez pas. Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans ses annotations de l'authentique d'Al-Bukhari, volume 4, page 394, c'est-à-dire qu'ils ont qu'ils mélangeront les bonnes actions à des mauvaises, c'est-à-dire qu'ils ont des contradictions, des choses de la religion et des choses qui n'en sont pas. Hudayfa dit alors, ô messager d'Allah, y aura-t-il donc un mal après ce bien? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, des prêcheurs aux portes de la géhenne, celui qui répond à leur appel, il sera jeté par eux. Voilà encore une fois le contexte dans lequel, hein, Rachid Abu Hudayfa, il a dit, ou plutôt Cheikh Ibn Baz, il a dit sa parole, et que Rachid Abu Hudayfa n'a pas cité. Je dis, Hudayfa, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Et il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ils sont les des nôtres et parlent notre langue. Cheikh Ibn Baz, quand il lui fasse miséricorde, dit, c'est-à-dire, ils font partie des Arabes. Je, c'est-à-dire Hudayfa dit, ô messager d'Allah, que nous ordonnes-tu de faire à ce moment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, tu t'attaches au groupe des musulmans et leur gouverneur. Au groupe des musulmans, le corps des musulmans. Vous voyez comment c'est, hein? Vous regardez dans la vidéo comment Rachid Abu Hudayfa, il essaie d'utiliser ça de manière plus loin, pas là, plus loin, page 181, certaines lignes, de manière fallacieuse. Je dis, c'est-à-dire Hudayfa, et s'ils n'ont ni groupe ni gouverneur, et le prophète me dit, écarte-toi de tous ces groupes. Vous voyez le contexte? Et ce même si tu devais t'agripper à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne, alors que tu es toujours dans cette situation. Rapporté par le Bukhari et le Muslim, c'est donc un hadith que les mashayikhs appellent « Muttafaqun alayh ». Ce hadith d'une grande importance nous met en évidence que ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de s'accrocher au groupe des musulmans. C'est Cheikh Ibn Baz qui parle, c'est-à-dire au corps des musulmans et pas au groupe innové contre lesquels Cheikh Ibn Baz lui-même met en garde. Comme les frères musulmans l'établirent, comme on va le prouver dans des fatwas un peu plus loin, Inch'Allah. Et ça, c'est la note de page 38. Et de s'entraider avec eux et ce à n'importe quel endroit. Que ce groupe se trouve dans la péninsule arabique, ou en Égypte, ou au Cham, ou en Irak, ou en Amérique, ou en Europe, ou à tout autre endroit. Tout autre endroit. Lorsque le musulman trouve un groupe qui appelle à la vérité, il les aide et est avec eux. Il les aide et les encourage. Il les raffermit sur la vérité et la clairvoyance. S'il ne trouve pas du tout de groupe, il s'accroche à la vérité. Et il est le groupe même s'il est seul. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, quand Allah agrée à Amr ibn Maymoun, le groupe c'est ce qui est conforme à la vérité, et ce même si tu es seul. Il est donc obligatoire aux musulmans de chercher la vérité. S'ils trouvent un centre islamique qui appelle à la vérité, ou un groupe qui appelle à n'importe quel endroit à la vérité, c'est-à-dire au livre d'Allah, et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et à la bonne croyance, en Europe, ou en Afrique, ou à n'importe quel endroit, d'ailleurs en Europe ici comme Merkez Salafi, hein, ou d'ailleurs tous ici où on prie, alhamdoulilah, le Majid Salafi, qu'ils soient donc avec eux cherchant la vérité et la recherchant, qu'ils patientent sur la vérité et soient avec les gens de la vérité. C'est donc cela qui est obligatoire aux musulmans. S'ils ne trouvent personne qui appelle à la vérité, ni pays, ni groupe, ils s'accrochent à la vérité seuls et restent droits sur cette vérité. Il est donc à ce moment le groupe, comme l'a dit Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré à Amr ibn Maymoun. À cette époque-ci, et la louange est à Allah, nous avons beaucoup de groupes qui appellent à la vérité. Hein? Et ici, il ne faut pas qu'on croie que c'est les groupes innovés. On va le prouver, Inch'Allah. Comme dans la péninsule arabique, le gouvernement saoudien. Je ne sais pas ce qu'il dit ça. Ainsi qu'au Yémen et dans le Golfe, et en Égypte et au Cham, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Inde, au Pakistan et à d'autres endroits encore du monde. Il y a beaucoup de groupes et de centres islamiques ainsi que d'associations islamiques qui appellent à la vérité. Et la prêchent et mettent en garde contre son contraire. Il incombe donc aux musulmans, cherchant la vérité, à quelque endroit que ce soit, de chercher ces groupes. S'ils trouvent un groupe ou un centre ou une association qui appelle au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils voient un culte sincère à Allah seul, et qu'ils n'invoquent personne d'autre que lui, avec lui, parmi les gens qui sont dans des tombes, ni personne d'autre. Question à Cheikh Ibn Baz, toujours. Donc, on oublie cher, celui qui dit que ces groupes islamiques font partie des groupes qui appellent à la géhenne, et au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de s'en écarter, sa compréhension est donc fausse en fonction de votre parole? Réponse de Cheikh Ibn Baz. Celui qui appelle au livre d'Allah et à la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des groupes égarés, mais au contraire, il fait partie du groupe sauvé. Cité dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Parmi lesquels, d'ailleurs, ça c'est ma parole, parmi lesquels Cheikh Ibn Baz lui-même a cité les frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, et Jama'at Tablir, comme on va le prouver un peu plus loin. C'est connu, elle est très connue cette fatwa de Cheikh Ibn Baz. Et j'ai mis des liens, vous pouvez entendre l'audio de Cheikh Ibn Baz où il dit ça. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Il fut dit, et quel est-il le messager d'Allah? Il répondit, ceux qui sont sur quoi moi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et dans une autre formulation du hadith, Al-Jama'a. Et le sens de cela, que le groupe sauvé c'est le groupe étant droit sur ce quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, en résumé, la salafia. Ça c'est ma parole. Car on les agrée tous en termes d'unicité d'Allah, d'obéissance à ses ordres et de délaissement de ses interdits, d'être droit là-dessus en parole et en action, en croyance. Alors qu'on ne vienne pas jouer avec le fait que je dis « Ah, c'est ma parole, ah, ta vie, il avoue lui-même que c'est sa parole. » Parce que Cheikh Ibn Baz, un peu plus loin, il va le dire lui-même, Inch'Allah. Là, il faut être très prudent. Hein. Ils sont donc les gens de la vérité et les prêcheurs de la guidance, et ce même s'ils sont dans différents pays. Certains dans la péninsule arabique, d'autres au Cham, d'autres encore en Amérique, d'autres aussi en Égypte, d'autres dans des pays africains, d'autres en Asie. Ils sont de nombreux groupes qui sont connus par leurs croyances et leurs actions. Donc s'ils sont sur la voie de l'unicité et de la croyance en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils sont alors les gens de la sunna et du consensus. Et ce même s'ils sont dans de nombreuses directions, mais à la fin des temps, leur nombre diminue beaucoup. En résumé, la règle, la norme, c'est donc qu'il soit droit sur la vérité. Si on trouve une personne ou un groupe qui appelle au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam qui appelle à l'unicité d'Allah et au suivi de ses législations, ceux-là sont al-jama'a. Ils sont le groupe sauvé. Tandis que ceux qui appellent à autre que le livre d'Allah et autre que la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ne fait pas partie d'al-jama'a, mais de plus fait partie des groupes égarés et perdus. Le groupe sauvé ne sont que les prêcheurs au Coran et la Sunna, et ce même si un groupe est ici et l'autre là-bas, tant que le but et la croyance sont les mêmes. D'accord ? Ça c'est ma parole maintenant ici, qu'on n'essaie pas de vous mettre des choubouhat sur le fait que quelqu'un peut avoir une croyance salafi et pas et avoir des erreurs dans le manhaj. Les ulama, ils ont détaillé en long et en large, retournez par exemple, à titre d'exemple, là, je dis, à titre d'exemple, à l'explication de Usul Sunna de l'imam Ahmed, de Sheikh Abu Mu'ad Hassan al-Iraqi, préfacé, lu, revu et dont a fait l'éloge Cheikh Abdel Jabiri, il détaille ce point-là et il montre qu'il y a un talazum. Il y a un lien entre l'aqid et le manhaj et que les deux ne sont pas dissociables. Et que s'il y a un problème dans le manhaj, il y a un problème dans l'aqida, s'il y a un problème dans l'aqida, il y a un problème dans le manhaj. Et il parle, ici, il parle de Cheikh Melba, de Cheikh Fouzan, de Cheikh Al-Albani, etc. Et d'autres machaires. Je reviens à la parole de Cheikh Melba. Ne nuit pas alors que l'un s'appelle, ne nuit pas alors que l'un s'appelle Ansar Sunnah et les autres s'appellent les frères musulmans. Et d'ailleurs, Rajid Abu Hanifa, quand il va dire ça, il va dire quoi? C'est pas moi qui le dis. Les frères musulmans, c'est pas moi qui le dis. Ben, nous, on va dire, les frères musulmans font partie des 72 groupes égarés, c'est pas moi qui le dis, c'est Cheikh Ibn Baz qui le dit. Est-ce que tu es prêt à le dire aussi maintenant? Et l'autre s'appelle les frères musulmans, en traduisant plus loin les paroles de Cheikh Ibn Baz, lui-même sur l'interdiction, et ça c'est ma parole, l'interdiction des groupes et de mise en garde contre la secte des frères musulmans, fondée par Hassan al-Banna, nous comprendrons qu'ils ne parlent évidemment pas d'eux ici comme certains ont voulu le faire croire, mais parlent de frères en islam. Si quelqu'un prétend le contraire, il aura alors prétendu que Cheikh Ibn Baz se contredit lui-même. Et que, je répète maintenant, je continue la parole de Cheikh Ibn Baz, et que cela s'appelle de telle manière... Ce qui est important, c'est leurs croyances et leurs actions. Maintenant, c'est ma parole. Est-ce que la secte des frères musulmans est en conformité avec la croyance et les actions des pieux prédécesseurs? La réponse est évidemment non. Sinon, pourquoi Cheikh Ibn Baz, ainsi que les autres savants de la Sunna, auraient mis en garde contre eux et les auraient déclarés comme faisant partie des 72 groupes menacés de l'enfer? Je reviens à la parole de Cheikh Ibn Baz. Et quand j'ai dit comme certains, j'ai mis note de bas de page 40, comme Rachid Abu Hadaifa dans sa vidéo, mise en garde contre des prétentieux, écoute, accroche-toi, j'ai mis la référence, minute 5, seconde 24. On continue la parole de Cheikh Ibn Baz. Donc s'ils sont droits sur la vérité et sur l'unicité d'Allah, et sur la sincérité dans son adoration, et sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en parole, en action et en croyance, alors les noms ne leur nuisent pas. Mais ils se doivent de craindre Allah et d'être véridiques en cela. Si certains d'entre eux s'appellent Ansar Sunnah et que certains s'appellent les Salafis ou les frères musulmans, pas les frères musulmans de Hassan al-Banna, parce que Cheikh Ibn Baz, encore une fois, il a dit quoi? Qu'il faut partie des 72 groupes Hein? Égaré perdu, dont le prophète Hassan m'a parlé. Je retourne à la parole de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Ou que certains s'appellent groupe untel, ceci ne leur nuit pas s'ils sont véridiques et sont droits sur la vérité, en suivant le livre d'Allah et la Sunna, et en jugeant en fonction de le Coran et la Sunna, et en étant droit sur le Coran et la Sunna en termes de croyance et de parole et d'action. Et si les groupes font une erreur, il est obligatoire aux gens de science de leur faire remarquer. C'est ce qu'on fait, nous. Ça, c'est ma parole. Et de les orienter vers la vérité, c'est la preuve en est apparue. C'est ce que j'ai fait en envoyant un email à Rachid Abu Hudayfa. Ce qui est entendu, ce qui nous incombe, c'est de nous entraider sur le bien et la piété. Ma parole maintenant, s'entraider selon les règles des gens de la Sunna et du consensus, pas selon la règle des frères musulmans. Nous nous entraidons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous nous pardonnons ce au sujet de quoi nous sommes en divergence. Règle que d'ailleurs Cheikh Ben Baz a lui-même réfutée dans son recueil de fatwa que Rachid Abu Hudayfa cite, comme vous pourrez le lire Inch'Allah plus loin dans notre traduction. Et que nous réglions nos problèmes avec science et sagesse est la bonne manière. Si donc l'un des groupes fait une erreur dans ce qui lie à la croyance, ou de ce qu'Allah a rendu obligatoire, ou de ce qu'Allah a interdit, comme le fait, ça c'est ma parole maintenant, de s'asseoir avec les gens d'innovation et de traduire pour eux et les inviter et de collaborer avec eux, c'est ce qu'Arachid Abu Hadayfa et Nader Abu Anas font. Ils doivent être conseillés avec les preuves, légiférés avec douceur et sagesse et la bonne manière, afin qu'ils se soumettent à la vérité et l'acceptent et qu'ils ne s'enfuient pas. C'est donc cela qui est obligatoire aux musulmans, de s'entraider au bien et à la piété et de se conseiller mutuellement et ne pas s'affaiblir et que l'ennemi les convoite. Et vous trouvez, ça c'est ma parole maintenant, et je vais d'abord citer la source comme ça, on finit cette parole, fin de traduction de la parole de Cheikh Ben Baz, quand il fasse miséricorde, tiré de son recueil de fatwa, page 179 à 183, volume 8. Et moi maintenant, c'est ma parole maintenant, c'est une chose que les Hezbiyoun, ils utilisent beaucoup. C'est que toujours ils disent pourquoi même pas fait nasiha, etc. Et ils s'attardent sur la manière, etc. Et ils ne reviennent jamais sur le fond. Laisse de côté la nasiha, laisse de côté la forme. Le fond, et tu es en tort, es-tu prêt à revenir ou pas? Et c'est un osloub, une manière, une ruse très connue. Une hila, très connue d'eux. Et les ulama et les gens de science ne sont pas dupes de cela. Deuxième point, voici la source où vous pouvez télécharger le 8e volume du recueil de fatwa du site officiel du Cheikh. Vous pouvez voir vous-même ce que je dis. En arabe, remarque, regardez comment on essaie d'être précis. Parce que j'ai remarqué que quand on va sur internet, le Majma al-Fatawa en PDF ou en Word, la pagination elle change. On dira, ah Mehdi, j'étais à la page et il n'y a pas ces pages-là. J'ai dit, il se peut que la pagination, les numéros de page changent légèrement car le livre a été mis en format PDF et Word. Vous n'avez qu'à chercher un petit peu avant ou un petit peu après. Parce que j'ai remarqué que la pagination, elle changeait par rapport à Al-Mujma al-Fatawa qu'on a en 20 et de certaines éditions en 26 volumes. 3. Voici la traduction des paroles de Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur la critique et la mise en garde contre la règle des frères musulmans. Nous nous entraînons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous excusons entre nous au sujet duquel nous sommes en divergence. B. La mise en garde contre les groupes des frères musulmans et d'établir. C. L'interdiction de la multiplicité des groupes. A. Voici la traduction de la critique de la règle des frères musulmans précitée. Il, c'est-à-dire Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, parle de Mohamed Ali As-Sabouni, a rapporté dans le propos cité d'après Hazel Benna, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit « Nous nous regroupons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres, ce au sujet de quoi nous divergeons. » La réponse à cela est de dire « Oui, il nous est obligatoire de nous entraider sur ce quoi nous sommes d'accord, c'est Cheikh Ben Baz qui parle ici, hein, en termes de rendre la vérité victorieuse et d'y appeler, et de mettre en garde contre ce qu'Allah a interdit et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que nous excuser les uns les autres, ce au sujet de quoi nous sommes en divergence, ceci n'est pas absolu, mais de plus il faut en faire le détail. » Ce qui fait partie des choses de l'ordre de l'effort d'interprétation, al-ijtihad, au sujet desquels la preuve est cachée, ce qui est obligatoire, c'est de ne pas se faire de reproches à ce sujet les uns aux autres, tandis que ce qui s'oppose au texte du Coran de la Sunna, ce qui est obligatoire, c'est de blâmer celui qui s'oppose au texte avec sagesse et avec la bonne exhortation et en discutant de la meilleure des manières et ce en mettant en pratique la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché » et la transgression. Surat al-Ma'ida, verset 2. Et sa parole, dans la traduction du sens, est les croyants et les croyants sont des alliés, les alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Surat al-Tawba, verset 71. Et sa parole, dans la traduction du sens, est par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Surat al-Nahl, verset 125. Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il change cela de sa main. Et s'il n'en est pas capable, qu'il change sa parole. Et s'il n'en est pas capable, qu'il change son cœur. Et ceci est le degré de foi le plus faible. Ma parole maintenant, on les voit faire quelque chose de blâmable, que ce soit avec les gens l'innovation, être en dire pour les gens l'innovation, et les citer comme référence et faire leur éloge. Et on fait juste que leur faire le conseil, ils réfutent sur ce point-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous accusent des choses qui sont fausses, d'être jaloux d'eux et d'être prétentieux, etc. Subhanallah. On revient à la parole du Cheikh Ibn Baz. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui indique un bien aura une récompense identique à celui qui, de celui qui fait ce bien. Ces deux hadiths ont été rapportés par un musulman dans son authentique. Et les versets et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Fin de traduction de la critique de cette règle mise par Hassan al-Banna, le fondateur de la secte des frères musulmans, par son éminent Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ceci est tiré d'une série de réfutations du Cheikh contre des paroles de Mohamed Ali Sabouni, voir le recueil de fatwa du Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, volume 3. Pages 58 et 59. Voici le lien d'où vous pouvez télécharger ce troisième volume du site officiel du Cheikh. Et encore une fois, faites attention à la pagination. Et ça, c'est évidemment une raison pour laquelle j'ai dit que vous avez besoin de l'écrit, Inch'Allah, qui sera disponible sur Central Furqan, Souda Publication, spfbirmingham.com, Inch'Allah. B. Voici la traduction des mises en garde de son éminent Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, contre les frères musulmans et l'établir. Question posée à Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah te donne en bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la division des communautés, sa parole, ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un, jusqu'à la fin du hadith. Est-ce que les groupes, le groupe d'établir avec ce qu'ils ont comme association et innovation, et le groupe des frères musulmans avec ce qu'ils ont partisanisme et rébellion contre les gouverneurs, ces deux groupes font-ils partie des groupes perdus? Réponse du Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Il rentre dans les 72 groupes. Celui qui transgresse la croyance des gens et de la sunna du consensus entre dans les 72 groupes. Le sens de la parole, de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté, c'est-à-dire la communauté de réponse, ummatul istijaba, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah. Et ont montré qu'ils, sallallahu alayhi wa sallam, le suivent, 73 groupes. Le groupe sauvé qui est sauf et qui l'ont suivi, sallallahu alayhi wa sallam, et ont été droits sur sa religion. Et 72 groupes parmi lesquels il y a le mécréant et le désobéissant et le novateur, différentes catégories. Question posée à Cheikh Ibn Baz. C'est-à-dire que ces deux groupes font partie des 72 groupes? Réponse du Cheikh, ils font partie des 72 groupes. Donc on n'essaie pas de mettre des chouboîtes sur le fait qu'on fait partie des Khouan, on peut faire partie des Khouan musulmans ou d'établir. Hein? Vous comprenez cela? C'est clair maintenant ou pas? Donc non seulement il faut être salafi, il faut se revendiquer salafi, mais en plus il faut se désavouer de ces groupes-là. Et c'est pour ça que les ulama, ils mettent en garde sur ces groupes-là. On ne vient pas de mettre des ambiguïtés du style, l'important que tu appelles tablir ou ikhwan ou salafi, c'est ce que tu es vraiment. C'est ça qu'il dit lui. Je vous donne la référence de cette parole-là de Cheikh Ibn Baz sur les 72 groupes que frères musulmans et les Khouan Muslimoun et Jamaat Tablir, ils font partie des 72 groupes égarés. Tiré de l'une des cassettes d'une série de cours d'Al-Muntaqa dans la ville de Taif en Arabie Saoudite, enregistrée 2 ans avant la mort de Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ah, il a dit ça au début, il y a longtemps. Alors deux choses, il a dit avant sa mort. Et quoi? Prouve-nous que Cheikh Ibn Baz, il est revenu de cela, s'il est revenu. Et l'asile, c'est qu'il n'est pas revenu de cela. Et comment il pourrait revenir de cela? Hacha. Rahmatullah alayh. Voici le lien où vous pouvez écouter cette parole de la voix du Cheikh lui-même. C'est pas ma voix, c'est la voix de Cheikh Ibn Baz. Hein? Le lien, il est là. Voici une autre parole où le Cheikh met en garde contre les frères musulmans de manière explicite. Question posée au Cheikh, Cheikh Ibn Baz, que Rachid Abu Hadifa revendique suivre. Notre Cheikh, le mouvement des frères musulmans, est entré dans le royaume d'Arabie Saoudite. Depuis quelque temps, et est devenu actif, y compris parmi les étudiants en sciences islamiques. Quel est votre avis sur ce mouvement et dans quelle mesure sont-ils en accord avec le Coran et la Sunna? D'ailleurs, avant que je traduise le reste, vous regardez la filiation et la transmission et la chaîne de transmission et la chaîne de fréquentation. Rachid Abu Hadifa, tu le vois dans des vidéos avec Ilyas Azouaj et Nader Abou Anas. Ilyas Azouaj, avec Hani Ramadan. Hani Ramadan n'est personne d'autre que le petit-fils de Hassan al-Banna et le frère de Tariq Ramadan, qui font partie des Ikhwan Muslimin. Hani Ramadan, tu le vois avec Shia notamment, etc. Avec les Ikhwan Muslimin, n'ont aucun problème à collaborer, et on le voit aujourd'hui en Égypte. Ils ont obtenu des écoles et des Husseiniyat, des endroits d'adoration. Et Cheikh Falah Ismail, il l'a prouvé dans son doctorat, qui s'appelle Al-Alaqa ben Atasawuf wa Tashayyu'a. Dira ça, Ardou Naqd. Études, exposés et critiques. Il fait plus de 900 pages. Et Cheikh Falah Ismail, encore une fois, nous a donné l'autorisation, il m'a donné l'autorisation personnelle, nominative, écrite, de traduire. Il fait plus de 900 pages. Et il y a tout un chapitre à la fin où il prend des livres des Ikhwan Muslimin, leurs paroles par rapport à Shia. Et leur collaboration avec Rawafid. Et comment ils font l'éloge de la révolution de Khomeini. D'accord ? Regardez ce groupe-là comment il est dangereux. Donc maintenant, Rachid Abou Hadaïfa, s'il dit moi je ne me positionne pas par... Il doit se positionner par rapport à ça. Il doit clarifier. Il doit se désavouer d'Ilyas Azouaj. Il doit se désavouer des derniers Ramadan. Il doit se dévouer des frères musulmans. Comprenez ou pas? Elle dit, elle marwa ala dini khalili. Tu as la religion que tu fréquentes. Et le salaf il disait man satara alayna bid'atah lam takhfa alayna al-ulfa. Celui qui nous cache sa bid'a, son innovation religieuse, ne cachera pas sa fréquentation. Gardez cette tête marquée en encre d'or, hein, présente à l'esprit, ya ikhwa akhawat. Parce que c'est une règle d'or. C'est ce qu'on appelle le fait de regarder le bitana ou l'ulfa. Les fréquentations et l'entourage d'une personne. Et les gens de la sunna sont avec les gens de la sunna. Et Cheikh Mohamed Ben El-Hadi Matkhali, il rapporte ça et il dit un hadith que le savant cite comme preuve, c'est le hadith d'Aïcha radiallahu anha. إن الأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف. Réponse du Cheikh Ben Baz par rapport à la question que j'ai traduite il y a un instant. Le mouvement des frères musulmans a été critiqué par l'élite des gens de science, car ils ne sont pas actifs dans l'appel à l'unicité, la réprobation de l'association et de l'innovation. Ils ont des méthodes spécifiques. Ce qui leur fait défaut, c'est de l'ardeur dans l'appel à Allah et d'orienter vers la croyance correcte sur laquelle sont les gens de la sunna du consensus. Il faut que les frères musulmans donnent de l'importance aux prêches. Écoutez le mot. Salafi. Cheikh Ben Baz qui dit, c'est pas moi. Ce sont les mots de Cheikh Ben Baz. Rahmatullah alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'appel à l'unicité d'Allah, la réprobation de l'adoration des tombes et du fait de s'accrocher aux morts et de demander secours aux habitants des tombes comme Al-Hassan, Al-Hussein ou Al-Badawi ou ce qui s'apparente à cela. Il faut qu'ils accordent de l'importance à cette base authentique au sens de la ilaha illallah, qui est le fondement de la religion. Et la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la Mecque, il a appelé à l'unicité d'Allah au sens de la ilaha illallah. Vous voyez qu'on parle d'aqidah, les frères. Ça, c'est ma parole. De nombreux hommes de science, maintenant, Cheikh Ben Baz, de nombreux hommes de science critiquent les frères musulmans sur ce point. C'est-à-dire l'absence d'ardeur dans l'appel à l'unicité d'Allah et à la sincérité dans son adoration et de réprobation de ce que les ignorants ont innové, comme le fait qu'ils s'attachent aux morts, leur demandent secours, leur font des vœux ou immolent pour eux ce qui est la grande association. Ils critiquent également leur manque de considération de la sunna, de suivi de la sunna, leur manque de considération pour les nobles ahadith, et de ce sur quoi était le plus prédécesseur de cette communauté dans les règles religieuses. Et il y a de nombreuses autres choses que j'entends de nombreux frères à propos desquels ils les critiquent et pour lesquels ils sont blâmés. Alors maintenant, ça c'est ma parole, est-ce que Rachid Abou Hadaïfa, lui qui prétend et revendique suivre Cheikh Ben Baz, est-ce qu'il est prêt à faire de même? Sans telbis, de manière claire et sincère, de mettre en garde sur les frères musulmans et ceux qui s'affilient aux frères musulmans et ceux qui s'assoient avec les frères musulmans. Et Cheikh Ben Baz termine en disant: et nous demandons à Allah qu'il les corrige, les aide et réforme leur situation. Fin de citation de Cheikh Ben Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde sur les frères musulmans. Voir le magazine Al-Majalla numéro 806, page 24, en date du 25/2/1476 de l'Égir. Voici les liens où vous pouvez écouter et lire la parole du Cheikh, et j'ai mis le lien. Donc encore une fois, l'importance de l'écrit. Et il y a plusieurs liens, il y a deux liens, dont un, le site officiel de Cheikh Ben Baz. C. Voici la parole de Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur l'interdiction de la multiplicité des groupes. Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: parmi les choses au sujet desquelles il n'y a aucun doute, c'est que la multiplicité des partis et des groupes dans la société musulmane fait partie des choses au sujet desquelles Satan en premier et les ennemis de l'islam parmi les êtres humains ensuite sont avides. car la conformité de la parole des musulmans et leur unité et leur compréhension du danger qui les menace et a pour but leur croyance font qu'ils montrent de l'ardeur à combattre cela et à travailler dans un même rang pour le bien des musulmans et afin de repousser le danger qui menace leur religion et leur pays et leurs frères. Ceci est une conduite dont les ennemis parmi les djinns et parmi les hommes ne sont pas satisfaits. C'est pour cela qu'ils désirent ardemment diviser la parole des musulmans et les séparer et à semer la haine entre eux. Nous demandons à Allah qu'il unisse la parole des musulmans sur la vérité et qu'il éloigne de leur société tout trouble et tout égarement. Il est certes celui qui possède cela et celui qui en est capable. Fin de citation de Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Source, recueil de fatwa de Cheikh Ben Baz, volume 5, page 203 et 204. Et j'ai mis le lien pour le cinquième volume sur internet de Cheikh Ben Baz. Encore une fois, faites attention à la pagination, parce que les pages peuvent être différentes. Parce que c'est mis en PDF ou en Word. La question suivante fut posée à Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Question. Approuvez-vous comme le fait d'entrer dans ces groupes? Le groupe des frères musulmans, le groupe d'établir, le groupe du jihad, ou conseillez-vous de rester sur le fait de demander la science avec les prêcheurs salafis? Réponse. Nous les conseillons tous de se regrouper sur une parole unique, qui est de demander la science, et d'apprendre le Coran et la Sunna, et de suivre la voie des gens de la Sunna du consensus. Nous leur conseillons à tous que leur but soit de suivre le Coran et la Sunna et de suivre la voie des gens de la Sunna du consensus. Et qu'ils s'appellent, écoutez bien la parole de Germaine Baz, et qu'ils s'appellent tous les gens de la Sunna ou les suiveurs des pieux prédécesseurs. Ma parole en arabe, de manière résumée, salafi, comme l'a dit Cheikh Ben Baz lui-même et comme l'a dit Cheikh Al-Albani et d'autres. Je retourne aux paroles de Cheikh Ben Baz. Tandis que prendre parti pour les frères musulmans ou l'association d'établir ou ceci ou cela, nous ne le conseillons pas, ceci est une erreur. Mais nous leur conseillons d'être un seul bloc et un seul groupe qui s'enjoigne à la vérité et patiente sur la vérité, qui s'affilie aux gens de la Sunna du consensus. Voilà donc la voie droite qui empêche la divergence. Et s'ils sont différents groupes sur cette voie, ne leur nuira pas le fait qu'un groupe soit à Ib, c'est-à-dire au Yémen, et qu'un autre soit à Sana'a, au Yémen, mais tous sur la voie salafia. Encore une fois, ce sont les mots de Cheikh Ben Baz, il a dit la voie salafia. Le suivi du Coran et de la Sunna, appelant à Allah et s'affiliant aux gens de la Sunna et du consensus, sans partisanisme ni sectarisme. Il n'y a pas de mal à cela, et ce même s'il y a plusieurs groupes, mais leur but est unique et leur voie est unique. Source tirée d'une cassette ayant pour titre Question d'Abul Hassan aux deux chers, Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymeen, enregistré à la Mecque le 6 de Dhul-Hijjah 1416 de l'Hégire. Voici le lien d'où vous pouvez lire la parole du cheikh en arabe et j'ai mis le lien dans l'écrit. Voici maintenant la réponse de Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, à une femme qui dit que les groupes se sont multipliés et qui demande conseil au cheikh afin de pouvoir distinguer le groupe sauvé des autres. Et j'attire votre attention au fait que, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rachid Abou Hanifa et Nader Abou Anas, ils ont fait 10 vidéos où ils ont remporté ce genre de choubouhat là. Parce qu'ils disent qu'il y a des sœurs qui appellent, qui écrivent des emails, et il y a des gens qui sont perdus. Pourquoi ils ne répondent pas comme Cheikh Ben Baz? Il a répondu à ces gens-là, c'est eux qui revendiquent suivre Cheikh Ben Baz. Écoutez. Voici la réponse de Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, à une femme qui dit que les groupes se sont multipliés et qui demande conseil au cheikh afin de pouvoir distinguer le groupe sauvé des autres. C'est de cette manière qu'aurait dû répondre, c'est ma parole, l'auteur de la mise en garde sur les prétentieux, c'est-à-dire Rachid Abou Hanifa, à la sœur qui lui a fait part de son désarroi et qui lui a demandé conseil par email, ce qui était d'ailleurs la raison qui l'a poussé à faire cette mise en garde. Question posée à Cheikh Ben Baz. Les groupes et les sectes qui se présentent comme étant le groupe victorieux se sont multipliés. Beaucoup de gens sont confus à ce sujet. Que doit-on faire, surtout qu'il y a des groupes qui se revendiquent de l'islam comme les soufis et la salafia et d'autres parmi les groupes? Comment pouvons-nous faire la distinction? Qu'Allah vous bénisse. Réponse de Cheikh Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes, tous en enfer sauf un, ce sont les suiveurs de Moïse. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, tous en enfer sauf un. Ce sont ceux qui ont suivi Jésus. On arrive presque à la fin, un peu de patience les frères. Il dit, et cette communauté, c'est-à-dire la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Il fut dit, quel est le groupe sauvé? Il répondit, Al-Jama'a, le groupe. Et dans une autre formulation du hadith, ceux qui sont ceux sur quoi je suis moi et mes compagnons. Ceci est le groupe sauvé. Ceux qui se sont regroupés sur la vérité avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sont droits sur cette vérité, et sont sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la voie de ses compagnons. Ce sont eux les gens de la sunna, et du consensus. Et ce sont eux les gens du hadith, ahlul hadith, nobles, les salafis. C'est Cheikh Ahmed Bass qui dit ça. Ceux qui ont suivi les pieux prédécesseurs et sont sur leur voie par la mise en application du Coran et de la Sunna. Et tout groupe qui les oppose est menacé de l'enfer. Note de bas de page 43. Comment peut-on donc nous reprocher de mettre en garde sur ces groupes comme notre Cheikh Ben Baz l'a fait? Cheikh Ben Baz, il continue. Tu te dois donc en toi la femme qui pose la question. Ma parole, Rachida Bouhadi, face à ce que tu aurais dû faire, et Nader Abouanes aussi, de regarder les actions de tout groupe qui se prétend. C'est-à-dire quoi faire? Orienter la femme, hein, ou la sœur à cela. C'est de regarder les actions de tout groupe qui se prétend être le groupe sauvé. Si leurs actions sont conformes à la religion qu'ils font, ils font alors partie du groupe sauvé. Sinon, ils n'en font pas partie. 44, note de bas de page 44. Et c'est exactement ce à quoi nous appelons les suiveurs de Rachid Abu Hadifa et Nader Abu Anas de juger leurs prêches en se basant sur les paroles de savants salafis. Donc il n'y a rien de personnel entre nous et où entre eux et nous. Hein? Nous, on appelle les gens juste à cela. C'est tout, rien d'autre. Et si Rachid Abu Hadifa et Nader Abu Anas se repentent d'un repentir sincère, on serait les plus heureux du monde. Et on leur rappelle que ça ne les diminuera pas, au contraire. Ça les élèvera dans les yeux des gens. Je continue la parole de Germaine Baez. Et ceux qui sont... Ce qui est entendu ici, c'est que la balance pour tout groupe, c'est le Coran sublime et la Sunna pure. Tout groupe dont... Et c'est pour tout groupe. Les actions et les paroles sont en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrent dans le groupe sauvé. Et ceux qui sont à l'opposé de cela, comme les Jahmites, les Mu'tazila, les Rawafid, les Murji'a et d'autres, ainsi que l'ensemble des soufis qui sont laxistes et innovent dans la religion, ce qu'Allah n'a pas autorisé, tout cela entre dans les groupes, dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, menacé dans l'enfer, et c'est jusqu'à ce qu'ils se repentent de ceux qui transgressent la religion. Tout groupe qui a quelque chose qui transgresse la religion pure doit s'en repentir et doit revenir à ce qui est correct et à la vérité avec laquelle est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par cela qu'il, le groupe sauvé, sera sauvé de la menace. Tandis que si le groupe reste sur les innovations qu'ils ont inventées dans la religion et qu'il n'est pas droit sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, il, le groupe, entre alors dans les groupes menacés de l'enfer. Et ils ne sont pas tous en enfer. Et ils ne sont pas tous mécréants. Celui qui est sous la menace parmi ces groupes, il se peut qu'il y ait le mécréant, car il a commis un acte de mécréance. Et il se peut qu'il y ait celui qui n'est pas mécréant, mais qui est menacé de l'enfer à cause de ce qu'il a innové dans la religion et a légiféré dans la religion parmi les choses qu'Allah le Très-Haut n'a pas autorisées. J'attire une attention qu'une choubouhat, que les gens avec lesquels Rachid Abu Hadid face à soi, comme Rachid Haddash et Mustafa Kastit et autres, ils disent, hein, et leurs suiveurs, ils disent sur nous qu'on dit des gens qu'ils sont en enfer. On ne dit pas ça, regardez, c'est ce qu'on dit. On fait le détail. Alors maintenant, je vous donne le lien de Cheikh Ahmed Baz. Voici le lien du site officiel de Cheikh Ahmed Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'où vous pouvez lire et écouter cette parole de la voix même du Cheikh. Et c'est le site officiel de Cheikh Ahmed Baz. Et le lien, il est dans l'écrit, qui sera sur le site que j'ai cité, Inch'Allah, en PDF. Voici une autre question posée à Cheikh Ahmed Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur le fait de s'appeler salafi. Question. Que dit-il sur celui qui s'appelle le salafi ou le athari est une vanité? Est-ce une vanité? Qu'est-ce qu'il y a? Réponse. S'il est véridique, réponse sur bonne base, qu'il est salafi, alors il n'y a pas de mal. Comme les plus prédécesseurs, les salafs disaient un tel est salafi, un tel est athari. C'est un éloge de soi-même qui est nécessaire, un éloge de soi-même obligatoire. Source, tirée d'une cassette du Cheikh ayant pour titre « Le droit du musulman » enregistré en la ville de Taïf, en Arabie Saoudite, le 16/01/1413 de l'Hégire. Voir « At-Tuhfatul Mahdiya » l'Iman Sa'ala an Ma'na Salafiyya, page 35. Cheikh al-Islam, le Taymiya, et là on va voir l'Ijma' maintenant, l'unanimité. Qu'Allah lui fasse miséricorde a rapporté l'unanimité sur l'acceptation de cette appellation de Salafi en disant « ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Et pas de reproche à celui qui manifeste la voie des plus prédécesseurs, les salafs, et s'y affilie et s'en prétend, mais de plus il est obligatoire d'accepter cela de lui à l'unanimité, car la voie des plus prédécesseurs, les salafs, n'est que vérité. Source, Recueil de fatwa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, volume 4, page 149. Et je vais citer un verset que Rachid Abu Hanifa cite, hein, pour dire qu'il est sur la vérité. Et dit la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Surat al-Islam, et sera verset 81. Mais nous, à la différence, on va rapporter le tafsir d'Abdurrahman ibn Saadi. Et on va voir que cette parole est contre lui. Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Saadi, rahimahullah, qui est un grand savant salafi, le cheikh de Cheikh al-Uthaymeen, dont Rachid Abu Hanifa revendique, que Rachid Abu Hanifa revendique suivre, hein, et qui est un grand savant du tafsir, un grand savant salafi, rahmatullah alayh. Cheikh Abdurrahman al-Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son exégèse du Coran, là où il explique ce verset de Surat al-Isra, et dit la vérité est venue et l'erreur a disparu. La vérité est ce qu'Allah a révélé à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a ordonné de dire et de proclamer la vérité devant laquelle rien ne tient. La vérité devant laquelle rien ne tient est venue et l'erreur a disparu. C'est-à-dire se défait et s'anéantit. Car l'erreur est destinée à disparaître. Ceci est la description de l'erreur du faux, mais il se peut qu'il ait une force et une diffusion si la vérité ne lui fait pas face. Car lorsque la vérité arrive, elle défait le faux, qui n'a donc plus de mouvement. C'est pour cela que le faux ne se diffuse qu'aux époques et aux endroits vides de science. Lors de bas de page de ma part 45, c'est-à-dire pour cela qu'un certain nombre de frères et de sœurs qui n'ont pas la langue arabe et n'ont pas appris les fondements des gens de la sunna du consensus prennent leur religion de Rachid Abu Hanifa, un Nader Abu Anas, et parfois même vont jusqu'à les défendre. Je retourne à la parole de Cheikh Saadi, rahimahullah. Et aux endroits vides de science, des signes d'Allah et de ses preuves évidentes. Quatrième point. Voici quelques paroles parmi les nombreuses paroles des savants de la sunna qui prouvent le caractère légiféré de s'affilier aux pieux prédécesseurs et donc de se revendiquer salafi. Ces paroles, avec la permission d'Allah, balayeront toutes les ambiguïtés et les doutes propagés à ce sujet par les ennemis de la da'wa salafia qui la détestent. Cheikh Abu al-Jabiri, qu'Allah le préserve, il dit: tu ne trouveras pas de khalafi opposé de salafi, surtout parmi ceux qui s'affilient au nouveau groupe de prêche, sans qu'ils ne détestent l'affiliation à la salafia. Note de page 46 de ma part, voir un mot qui dérange de Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Matrali, et c'est une vidéo qui est sur internet et qui est d'ailleurs traduite. Car la salafia, parle de Cheikh Ubaid, car la salafia n'est pas qu'une affiliation, mais de plus, c'est vouer de manière exclusive une adoration sincère à Allah et de suivre de manière exclusive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Source tirée d'une cassette de Cheikh Ubaid ayant pour titre Les règles et les fondements de la voie salafia, production Ibn Rajab à Médine. Source, j'ai cité le site de Ibn Rajab. Deuxième point. Voici une fatwa du comité permanent pour la fatwa et les recherches scientifiques. C'est qui suit les kibars? C'est nous ou c'est eux? Question. Je voudrais l'explication du mot salaf et qui sont les salafis? Réponse. Les salafs, ce sont les gens de la sunna du consensus, les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qu'Allah les agrée tous et ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Et quand il sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet du groupe sauvé, il répondit: ceux qui sont sur quoi je suis moi, aujourd'hui mes compagnons. Source. Recueil de fatwa du comité permanent pour la fatwa et les recherches scientifiques, numéro 6149, volume 2, page 164. Voyez l'importance d'avoir l'écrit, hein, pour les références. Voici notre fatwa du comité permanent, donc point 3, pour la fatwa et les recherches scientifiques. Question: quelle est la salafia et quel est votre avis la concernant? Et vous allez voir qui a signé cette fatwa-là. Réponse: la salafia, c'est une affiliation salaf et les salafs sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les imams de la guidée parmi les gens des trois premières générations, dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de leur bien dans sa parole: les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui leur succèdent jusqu'à la fin du hadith, rapporté par Ahmed dans son Musnad et Al-Bukhari et Muslim, dans son cas hadith qui est muttafaqun alayh. Et les salafis, c'est le pluriel de salafi, qui est une affiliation au salaf dont nous avons déjà cité le sens. Et ils sont ceux qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs, en suivi du Coran et de la Sunna, et on appelle au Coran et à la Sunna, et en les mettant en application, ils sont par cela les gens de la Sunna du consensus. Fatwa signée par les savants suivants: Abdullah ibn Qu'oud, que des grands, que des kibars. Abdullah ibn Qu'oud, membre. Abdullah ibn Rudayyan, rahmatullah alayhi, qui nous enseignait d'ailleurs Kitab Tawhid, rahmatullah alayhi. Est-ce que Rachid Abu Hanifa, il peut se vanter de ça? Hein? Rahmatullah alayhi, vous vous souvenez, Cheikh Al-Udayyan, les cours de Kitab Tawhid, hein, rahmatullah alayhi, que dire, Cheikh Al-Ubaid a continué. Abdelrazzaq Afifi, sous-directeur, Et Abdelaziz Ben Baz, directeur. Note de bas de page 47, encore une fois, Cheikh Ben Baz, que Rachid Abou Hadefa prétend suivre. D'accord ? Recueil de fatwa, source, recueil de fatwa du comité permanent pour la fatwa et les recherches scientifiques, numéro 1361, volume 1, page 165. Quatrième point. La question suivante a été posée à l'imminence avant Cheikh Mohamed Moussal Al-Uthaymin, quand il fasse miséricorde. Que Nader Abou Anas, il dit « Oh, j'aime beaucoup ce cheikh. » Et Rachid Abou Hadefa revendique suivre. Et j'ai mis une note bas de page que Rachid Abou Hadefa et Nader Abou Anas prétendent tous deux suivre. Question. La vérité est unique. Il n'y a de voie pour établir et retourner à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit que la da'wa salafia, authentique le prêche salafi. Et c'est sur quoi étaient les nobles compagnons. Il y a des gens ici qui nous reprochent de suivre cette voie dans l'appel à Allah et nous voudrions une clarification de votre part. D'ailleurs, de ma part, j'ai dit ici qu'un frère ce matin, Jazallahu khairan, très tôt le matin, un frère de France, qu'Allah le récompense par le Firdaus A'la, il a pris cette vidéo-là et il a mis ma traduction, hein, et il en a fait une vidéo pour faciliter aux gens la compréhension de cette vidéo-là. Et je vais citer la source, Inch'Allah, dans l'écrit. Réponse. Par Allah, ceci ne requiert pas de clarification. C'est la réponse de Cheikh Al-Uthaymin. Se peut-il qu'une personne reproche à quelqu'un de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Dans l'appel à Allah, la réponse est non. De même, en ce qui concerne les califes bien guidés, celui qui leur fait ce reproche est comme celui qu'Allah a cité dans sa parole, dans la traduction du sens est, à qui il ne reprochait que d'avoir cru à Allah, le puissant, le digne de louange. Source, surat al-Buruj, verset 8, source. Et puis je cite le lien où vous pouvez avoir la parole de Cheikh Al-Uthaymin, puis la version sous-titrée en français, en note de bas de page 49. D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, moi je connaissais ce darj de Cheikh Al-Uthaymin, qui est un cours qu'il a donné à Boston. Vous connaissez ce cours ? Un fameux cours que Cheikh Al-Uthaymin a donné à Boston, aux États-Unis, quand il a été se faire soigner, hein, sous ordre du roi d'Arabie Saoudite. Nous, on connaît Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Et on connaît ses paroles. Walillahi alhamdul minna. Parmi les ambiguïtés qui sont répandues par les ennemis de la da'wa salafia, c'est encore une fois l'utilisation à mauvais escient. Certaines personnes sont d'ailleurs passées maîtres en cela, comme Rachid Abou Hudayfa. Et je mets 50, une référence 50, voir, et puis je mets une vidéo. Des paroles d'un imam de la sunna qui est Cheikh Abdel Mouhsin Abbad al-Badr. Parce que quand il réfute soi-disant des prétentieux, c'est-à-dire certains de nos frères salafi, il prend un livre dans la main et il lit, le livre en français d'ailleurs, c'est la traduction en français, hein, et il lit. Moi, j'ai vu la couleur, je connais la traduction de ce livre-là. Je savais que c'était la traduction. Et j'ai lu le livre en arabe dans la compilation de recueil de Rasa'il de Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad. Parce qu'encore une fois, c'est notre shir et c'est le shir de certains de nos mashayikh, hein, comme Cheikh Fala Ismail et d'autres, qui nous enseignent des livres à nous directement. Hein, Hafidahullah Ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il a utilisé un livre qui s'appelle Rifqan Ahl Sunna bi Ahl Sunna. Il essaie de mettre des ambiguïtés par rapport à ce livre-là. Il utilise des paroles de Cheikh Mouhsin Al-Abbad. Et je vais vous rapporter ici de la parole de Cheikh Mouhsin Al-Abbad lui-même qui dit pourquoi il écrit ce livre et que de ce livre-là, il ne fait pas référence aux gens de la sunna, mais il fait aux gens de la bid'a, mais il fait référence aux gens de la sunna entre eux. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de répandre vite, et ils ont vite traduit dans beaucoup de langues pour essayer de parler de la douceur entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Et Cheikh Mouhsin Al-Abbad, il a dit, c'est pas ce que j'ai dit moi. Donc, je vais rapporter cela ici, Inch'Allah. Donc, j'ai dit que Rachid Abou Hadefa, il utilise à mauvais escient des paroles d'un imam de la sunna qui est Cheikh Mouhsin Al-Abbad, Al-Badr, qu'Allah le préserve, dans son livre intitulé « Douceur aux gens de la sunna envers les gens de la sunna ». Rifqan al-sunna bi al-sunna. Ces paroles sont utilisées pour faire croire aux gens qu'il n'est pas convenable de réfuter les erreurs de ceux qui transgressent la méthodologie et la voie de nos plus prédécesseurs et qu'il ne faut pas mettre en garde contre eux et qu'il est autorisé de collaborer avec eux et de s'asseoir avec eux et de faire des dorates avec eux, etc. Nous allons répondre avec la permission d'Allah à cette ambiguïté de la manière suivante. 1. En citant la parole, et il ne reste plus que quelques pages, Inch'Allah, en citant la parole et la source de Cheikh Mouhsin Al-Abbad lui-même, qui clarifie cela en disant qu'en écrivant cet épître, il ne signifie pas les gens de l'innovation. Il a d'ailleurs lui-même mis en garde contre certains d'entre eux dans son introduction du livre intitulé Madalik Nadar. 2. En citant la parole et sa source de Cheikh Mouhsin Al-Abbad dans la traduction de Madalik Nadar. 3. En citant une parole de Cheikh Mouhsin Al-Abbad lui-même, dans laquelle il établit que réfuter quelqu'un quand le besoin s'en fait est quelque chose de demandé et que cela fait partie du conseil. Alors, première chose, voici la parole de Cheikh Mouhsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve au sujet de son propre livre. Note de bas de page 51. Le fait de savoir que ce que les cheikhs voulaient dire, c'est moi qui dis ça, lorsqu'il a écrit le livre, a toute son importance pour un talib ilm. Donc encore une fois, ou Rachid Abu Hadeifa, tu es un talib ilm, ou Afwan, tu n'es pas un talib ilm, ou alors, tu es quelqu'un de malhonnête et tu cherches de manière fallacieuse à détourner les propos des ulama. Ou ahlahuma murru. Hein? Le fait de savoir ce que les cheikhs voulaient dire lorsqu'il a écrit le livre a toute son importance pour un talib ilm lorsqu'il veut citer des paroles tirées de ce livre. Mais Rachid Abu Hadifa, qui ne connaît pas notre cheikh Mohsin Al-Abbad comme nous le connaissons, il a d'ailleurs appelé Al-Abbad. Il l'a appelé Al-Mohsin Al-Abbad. Hein? Alors que son nom c'est cheikh Mohsin Al-Abbad, n'a pas prêté ou voulu prêter attention à cela. Cheikh Mohsin Al-Abbad, il dit: et le livre que j'ai écrit récemment, qui est douceur aux gens de la Sunna envers les gens de la Sunna, il n'y a aucun rapport entre ceux que j'ai cités, ce qui prouve que le Cheikh lui-même réfute des gens et met en garde contre eux quand cela est nécessaire. Ça, c'est ma parole. Dans Madarik Nadar, c'est Cheikh Mohsin Al-Abbad qui parle maintenant. Dans Madarik Nadar. Et ce qui est dans douceur aux gens de la Sunna envers les gens de la Sunna, il, c'est-à-dire le livre, ne signifie pas les frères musulmans, ni ceux qui sont les admirateurs de cette Qutub. Ici, j'ai fait une remarque de ma page. Comme Mohamed numéro 52, comme Mohamed Hassan, l'une des références de Rachid Abu Hadeifa et Nader Abu Anas, écoutez l'éloge de Mohamed Hassan sur cette Qutub et puis je rapporte un lien. Vous avez la chaîne Rachid Abu Hadeifa et Nader Abu Anas qui prennent de Mohamed Hassan, qui prennent de cette Qutub. Suivez. Et vous allez voir que ma chaîne de narration, c'est je prends des Cheikh Mohsin Al-Abbad qui prend des Cheikh Rabi' et qui renvoie vers les réfutations de Cheikh Rabi' sur de cette Qutub. Alors c'est qui sur le haq? قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ni d'autres parmi les harakins, la parole de Cheikh Al-Abbad, les militants, il ne signifie pas non plus les fascinés de la connaissance de l'actualité, فقه الواقع, et de l'insulte des gouverneurs. Note de bas de page 53, comme Ahmed Hassan, l'une des références de Rachid Abu Hadeifa, Nader Abu Anas. Il y a un lien que vous pouvez voir, une vidéo. Et aussi du renoncement aux savants. Note de bas de page 54, comme Mohamed Hassan qui critique les savants du Jarh wa Ta'dil et qui est l'une des références de Rachid Abu Hadifa Nader Abu Anas. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que Nader Abu Anas, dans sa vidéo Prête-moi ton cœur, il fait référence à une vidéo de Mohamed Hassan que les frères salafis qui connaissent le manhaj connaissent. Et c'est une vidéo, une cassette qui est dangereuse de Mohamed Hassan qui s'appelle Roulat al-Tajrih. Hein? Ou Ta'dil min Roulat al-Tajrih. C'est-à-dire les ulama qui mettent en garde sur le bida' al-ahwa. Et c'est une autre qui est plein de choubouat. Regardez à quoi fait référence. Faut pas, on n'est pas dupes, alhamdoulilah. Mais les gens ne connaissent pas cette cassette, ils ne connaissent pas Mohamed Hassan. Et j'ai mis un lien encore une fois. Numéro 5, note bas de page 54. Et là on arrive à la fin, on a la page 56, il ne reste plus que 5 pages, Inch'Allah. Je reviens à la parole de Cheikh Mohsin Al-Abbad. Le livre ne signifie cela ni de près ni de loin. Il ne signifie que les gens de la Sunna, qui sont ceux qui sont sur la voie des gens de la Sunna, car il arrive qu'il y ait des divergences entre eux, se blâment, se critiquent et se boycottent les uns les autres. Source. Parce qu'on parle avec preuve. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Parole tirée du livre إِتْحَافْ الْعِبَادْ بِفَوَائِدْ دُرُوسْ شَيْخْ مُحْسِنْ بْنُ حَمَّدْ الْعَبَّادْ page 60 et 61 aux éditions Dar al-Imam Ahmed. Et c'est une maison d'édition avec laquelle moi j'avais l'habitude de travailler quand je publiais des livres en arabe pour les mashayikhs. Ce livre est écrit par Cheikh Abdurrahman ibn Mohamed ibn Abdillah al-Umaysan, qui est l'un des élèves proches du Cheikh. Et ce livre a été revu et préfacé par Cheikh Mohsin Al-Abbad lui-même, qu'Allah le préserve. 2. Voici maintenant la parole de Cheikh Mohsin Al-Abbad, qu'Allah le préserve, dans sa préface du livre Madarik Nadar, livre qui a été lu, préfacé et recommandé par Cheikh Mohamed Nasir Din Albani, qu'Allah le fasse miséricorde, et par Cheikh Mohsin Al-Abbad lui-même d'ailleurs. Et on va voir qu'il y a une réfutation plus loin de l'ambiguïté, parce qu'il y en a, ils ont dit: ouais, Cheikh Mohsin Al-Abbad, il n'a pas tout lu, il n'a pas lu tout le livre. Cheikh Mohsin Al-Abbad, il va dire plus loin, je vais citer la source, il va dire: comment je peux préfacer un livre que je n'ai pas lu entièrement? Cheikh Mohsin Al-Abbad, il dit: et dans ce livre, une parole a été citée de deux jeunes, qu'Allah les guide, de ce pays d'Arabie Saoudite, page 243 et 351. Et regardez, je fais attention à la nouvelle édition, page 325 et 449 de la nouvelle édition. Voici les deux noms cités dans la page. Donc Cheikh Mohsin Al-Abbad, il fait référence dans le même livre à des noms. Et Cheikh Mohsin Al-Abbad, par rapport à son livre, il dit: je ne fais pas référence aux noms qui sont cités dans ces livres-là. Vous comprenez ou pas? C'est qui ces noms-là? Salman Al-Aouda. Note de bas de page 55. Est-ce que Rachid Abu Hadeifa est prêt à mettre en garde contre lui publiquement comme l'a fait Cheikh Mas El Abbad. Page 385 de la nouvelle édition. Safar Hawaili, note de bas de page 56. Est-ce que Rachid Abu Hadaifa est prêt à mettre en garde contre lui publiquement, comme l'a fait Cheikh Mas El Abbad? Page 449 de la nouvelle édition de Madarik Nadar. Et page 376-479 de la nouvelle édition de Madarik Nadar. Une parole a été citée de trois jeunes de ce pays. C'est Cheikh Mas El Abbad qui parle toujours. L'Arabie Saoudite. Qui ont dit des choses étranges et étonnantes. Et c'est de louer et de faire l'éloge de la sortie des femmes dans la rue pour manifester. Voici les trois noms cités dans la page précitée. Samal Aouda, Safar Al-Hawani, Aïd Qarni. Or, Aïd Qarni, il est venu au centre islamique à Bruxelles. Chez qui? Rachid Haddash et Mustafa Qassit, avec qui Rachid Abu Hadaifa, Nader Abu Anas et Elias Azouaj travaillent. Alors c'est qui celui-là, ulama? Aïd Qarni, note de page, page 57. Est-ce que Rachid Abu Hadaifa est prêt à mettre en garde contre lui publiquement, comme l'a fait Cheikh Mas El Abbad? Page 480, la nouvelle édition de Madarik Nadar. Et page 278, ici il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de références, mais je suis obligé de faire ça. Pour pas qu'ils aient un endroit où ils puissent se glisser et commencer à jouer avec nos paroles. Et page 218, c'est grave, je crois, mais c'est comme ça, on doit le faire. Il faut être technique, il faut être précis. Et page 278, c'est-à-dire 373 de la nouvelle édition, une parole a été citée d'un jeune de ce pays, l'Arabie Saoudite, où il établit ce qui est contraire à la voix des gens de la sunna du consensus. En ce qui concerne la manière de se comporter envers le gouverneur. Voici le nom de ce jeune cité, page 373 de la nouvelle édition. Salman Aouda. Et dans ce livre se trouve à la page 194, 262 de la nouvelle édition, la copie d'un tract d'un rancunier, où il injurie trois étendards et savants sans pareil. Alors vous savez qu'on a dit que l'Waqi'atu fi Ahl al-Athar, le fait de critiquer les gens du Athar, les salafis, fait partie des signes des gens de l'innovation et des caractéristiques et des signes apparents. Il critique Muawiya ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, un sahabi là, on parle de sahaba, y'a quoi. Qu'on agrée Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab et Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'on leur fasse miséricorde. Voici le nom de cette personne citée, page 262 de la nouvelle édition de Madarik Nadar, c'est Mohamed al-Mus'iri. Donc, Cheikh Mas'il Abbad, il cite tous ces noms et dit Rifqan al-Sunna. Moi, je veux dire par ces gens-là, les gens de la Sunna, pas les gens que j'ai cités dans Madik Naradar, Nadar, et puis nous, on a cité les noms ici, et Cheikh Mas'il Abbad l'a cité les noms. Donc, nous, on dit quoi? Rachid Abu Hadaifa, est-ce que Rachid Abu Hadaifa est prêt à mettre en garde contre lui publiquement, comme l'a fait Cheikh Mas'il Abbad, contre Mohamed Moussaïri, et Salman Aouda, et Safar Hawali, et Aïl Qarni, et les autres qu'on a cités avant, Mohamed Hassan, Nabil Iwadi, Mohamed Salih Al-Munajjid. Alhamdoulilah. C'est le manhaj qu'il faut regarder. C'est le manhaj qu'il faut regarder. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo qu'il a tronqué de manière fausse. Pour dire que je mettais en garde sur lui par rapport au style, au langage de jeunes, etc. Subhanallah al-Azim. Je cite la source. Madarik Nadar dans la préface écrite par Cheikh Mas'il Abbad, qu'elle le préserve lui-même, page 13, 14 et 15 aux éditions Maktabat al-Furqan, édition de 2001. Remarque importante. Certains parmi les gens de l'innovation ont essayé de faire croire que Cheikh Mas'il Abbad, quand il le préserve, a préfacé ce livre Madarik Nadar sans l'avoir complètement lu. Voici la réponse à cette ambiguïté du Cheikh lui-même. J'ai lu le livre du début à la fin deux fois. Il n'est pas possible que j'écrive quelque chose au sujet d'un livre sans l'avoir lu de son début à sa fin. Source, Ithaf al-Ibad, Bifawaid, Durus Cheikh Mas'il Abbad, Muhammad al-Abbad, page 161. Page 61. Ma parole maintenant, ceci est donc une preuve claire que Cheikh Mas'il Abbad, qu'Allah le préserve lui-même, met en garde contre des gens et réfute, et une preuve claire qu'il ne signifie pas les gens de l'innovation dans son livre. Donc Rachid Abu Hadaifa, faut pas essayer d'utiliser ce livre-là, pour attaquer nos frères salafis, et pour défendre les gens de l'innovation. Mais qu'il signifie plutôt les gens de la sunna entre eux. Troisième point de manière de le prouver. Voici une parole de Cheikh Mas'il Abbad, qu'Allah le préserve lui-même, qui va dans ce sens et prouve le caractère légiféré de la mise en garde et de la réfutation. La question suivante fut posée à Cheikh Mas'il Abbad, qu'Allah le préserve. Il s'est répondu dernièrement des paroles et des critiques entre certains étudiants au sujet de certains savants de la Sunna qui défendent la vérité de leur langue et de leur plume, comme Cheikh Rabi al-Matrali, de Rachid Haddash et Mustafa Qastit, et d'autres en Belgique, font parmi les gens qui critiquent Cheikh Rabi al-Matrali. D'ailleurs, on nous appelle à nous les Madakhila, ou bien les Rabi'it. Alors, Cheikh Abu Hadaifa, es-tu avec Cheikh Mas'il Abbad et Cheikh Rabi' ou es-tu avec Mubtadi'a? Et de leur. Et, et, il, déf, au sujet de certains savants de la Sunna qui défendent la vérité de leur langue, de leur plume, comme Cheikh Rabi' al-Madkhali et d'autres, prétendant que ces savants, personne n'a été épargné par eux et que la communauté a besoin d'être unie et unanime. C'est exactement ce qu'ils disent sur nous d'ailleurs. Et a besoin de délaisser les réfutations entre les gens de la communauté. Quel est donc le conseil de votre éminence à ces jeunes? La réponse du Cheikh Marcel Abbad, et pas l'Ubbad, comme il dit Rachid Abu Hudayfa. Ce qui est obligatoire, c'est de se faire mutuellement le conseil de s'entraider au bien et à la piété, et que les gens préservent leur langue de ce qui leur retourne en mal. Tandis qu'en ce qui concerne la réfutation, si l'affaire requiert la réfutation, qu'est-ce qui empêche de réfuter? Mais de plus, c'est demander s'il y a une affaire qui requiert la réfutation. Qu'est-ce qui empêche de réfuter? C'est-à-dire que cela veut dire que si un mal existe ou quelque chose de faux, on empêche de réfuter et on le laisse? Et que celui qui réfute est blâmé? C'est exactement ce qu'il fait, Rachid Abu Hudayfa. Il nous blâme, alors qu'on le réfute avec dalil. Ceci n'est pas permis, Cheikh Marcel Abbad, il dit, et n'est pas autorisé. Au contraire, cela fait partie du conseil. Et cela fait partie du fait de commander le bien et d'interdire le mal. En résumé, les gens se doivent de préserver leur langue de ce qui pourrait leur retourner en mal, et que si quelqu'un fait une réfutation à sa juste place, cela fait partie du conseil et de ce quoi il y a un bienfait, en quoi il y a un bienfait, et de ce qui amène un bienfait aux gens. Fin de citation. Alors, par rapport à ce fait-là, que Cheikh Al-Mohsen Abbad, il renvoie lui-même aux réfutations de Cheikh Rabi'a. Hein? Eh bien, que Cheikh que Rachid Abu Hudayfa fasse comme Cheikh Al-Mohsen Abbad et renvoie les gens vers les réfutations de Cheikh Rabi'a al-Madkhali. Et puis j'ai mis le lien d'une vidéo, vous voyez que Cheikh Al-Mohsen Abbad, on demande sur cette Qutb al-Milibari, et il dit, et on lui parle de Cheikh Rabi', il dit, na'am, retournez à ses réfutations, Cheikh Rabi', il a bien réfuté ces gens-là. Et il avait raison, et c'était un rad ilmi, et c'était haq. Alors maintenant, est-ce que Rachid Abu Hudayfa est prêt à faire ça? Et à renvoyer vers Cheikh Rabi', comme nous on fait toujours d'ailleurs, et les machirs du Jarh wa Ta'dil, en ce qui concerne les gens d'innovation? On va voir qui suit les gens de la vérité ou pas. Et on termine par cette source, tiré d'explication de Sunan Abi Daoud de Cheikh Al-Mohsen Abbad, qu'Allah le préserve, cassette 217 à la minute, après 1 heure et 3 minutes et 6 secondes. Vous pouvez écouter cette parole à partir de cette page, et j'ai mis un lien, et je termine par le verset que cite souvent Rachid Abu Hudayfa, et j'espère qu'il le citera maintenant à la lumière de ce qu'on a dit. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سورة الإسراء. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses parfaits, ses noms parfaits et par ses bons noms et ses attributs parfaits, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous guide et le guide et qu'il le fasse revenir à la voie de vérité. Wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Hein? Et apparemment, on me fait remarquer sur Paltol qu'il a dit des centaines de mails par semaine et pas par jour. Non, je me corrige, des centaines de mails par semaine. Alors que ça ne change rien à ce qu'il a dit. Voilà qu'il a raison, le frère, pour être précis. Et par l'amana, l'ilmiya, fin naqli, wa naqdi, pour être juste hein, dans la méthodologie et être honnête dans la narration et la critique. Eh bien, il a raison, le frère. Il a sûrement raison parce qu'il a dit qu'il a vérifié. Et je connais ce frère, c'est un frère salafi de confiance. Donc, je corrige. Et alhamdoulilah, on n'a pas de problème à se corriger. Abu Hudayfa a dit, je reçois des centaines de mails par semaine et pas par jour. Voilà, c'est un détail, mais cela n'a pas d'importance vraiment, mais hein, c'est pour la précision amana al-ilmiya. Moi, je sais comme Allahu khairan. Et donc, l'écrit sera disponible très très prochainement, peut-être même aujourd'hui déjà, inshallah, sur centralfurqan.be. Si les frères peuvent mettre les liens sur la room Paltalk, barakallahu fikum, sous la publication. Et plus tard, ce qu'il en a maintenant sur spfbirmingham.com, Inch'Allah. Et notre frère, un de nos frères, Inch'Allah, va s'attacher ce week-end à mettre ça en vidéo hein, et à faire un montage pour que ce soit diffusé comme il a diffusé lui sa vidéo, en espérant qu'il revienne vers la voie de vérité. Wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.